Aujourd'hui, on avait le plaisir d'accueillir Pierre Joventin, qui est un habitué, qui est membre du CIRA, et sur le papier, vous avez dû voir président des ACRATES. Les ACRATES, c'est l'association qui est propriétaire des murs où le CIRA est hébergé. Sinon, dans la vie professionnelle et passionnée, Pierre Joventin était directeur de recherche au CNRS. Donc il est retraité maintenant, mais quand on est directeur un jour, quand on est chercheur un jour, chercheur toujours, je suppose. Et donc il a... C'est un spécialiste de l'éthologie et de l'écologie évolutive et comportementale. Il a passé des mois, qui cumulaient font des années, dans les terres australes et antarctiques françaises. Et aussi en Afrique auparavant, et seulement dans d'autres pays. Tu as écrit une centaine d'articles dans plein de revues, participé à des colloques, travaillé sur la communication chez les manchots, tu as réalisé 5 films, écrit quelques livres, notamment « Les confessions d'un primate » que tu as présenté ici, « La raison des plus forts » dont tu as dirigé plusieurs auteurs, dont on a parlé aussi ici, sur les rapports entre l'homme et l'animal. Et alors ça, j'ai trouvé ça, mais je ne savais pas, tu as écrit un livre sur le ragondin. Oui. Oui, bon. J'en ai pas le droit. Faut-il les égoyer ou non? C'est en gros... C'est un animal extraordinaire. Là. Oui, mais qui bouffe toutes les digues en Camargue, alors c'est super polémique. Vous avez des gens qui ont fait l'envie correctement. Alors aujourd'hui... Pardon? J'allais venir. Donc le dernier livre, c'est un témoignage sur la vie avec une louve dans un appartement. C'est pas un appartement à l'origine, oui. Puis une maison. Et ce livre sera prêt. On va pas en parler trop. Enfin, on peut en parler après, bien sûr. Mais il revient à Marseille le 16 juin à 15h, Cité des associations. C'est la Libre Pensée Autonome qui organise cette rencontre. Aujourd'hui, alors on a eu deux titres. On a commencé par Darwin, Kropotkin, même combat. Et on l'a appelé finalement Darwinien de gauche et de droite. Charles Darwin, on en a pas mal parlé il y a 3 ans. En 2009, car c'était le 200e anniversaire de sa naissance. Et j'ai assez parlé. À toi la parole. Est-ce qu'il y a des Darwiniens du centre? Non. Mais en tout cas, j'ai changé de titre. Vous avez vu de Kropotkin et Darwin, qui me paraissait trop consensuel et pas favoriser le débat. Je suis passé à Darwinien de droite et de gauche. Comme ça, on est dans les législatives, là. Alors, donc, je vais vous parler du darwinisme, parce qu'on en parle beaucoup, mais peu de gens savaient exactement ce qu'il en est. Et donc, c'est comme beaucoup de choses pour la marchine, d'ailleurs. J'essaie de préciser d'abord. Alors, on attaque par l'antiquité. Et donc, on fait une vraie histoire de la théorie d'évolution. La théorie d'évolution, actuellement, c'est pas une théorie d'abord, parce qu'actuellement, il y a d'autres. Donc, c'est la théorie, si vous voulez. Et puis, c'est la biologie moderne ne peut pas être comprise sans qu'on interprète l'origine des animaux. Et donc, par conséquent, notre origine à nous. Or, les gens ne font pas tellement le lien. C'est-à-dire que, déjà, il y a des oppositions, en particulier à gauche, contre Darwin. Et de l'autre côté, on ne se rend pas compte que c'est bien plus important que simplement la théorie de l'évolution, c'est-à-dire c'est la théorie de vie. C'est-à-dire qu'avant, la création de l'homme, c'était expliqué uniquement par la religion. Et maintenant, on a l'impression qu'on a l'origine des animaux et que nous-mêmes, à la rigueur, on a l'origine animale, mais on ne voit pas que ça a bien d'autres conséquences que simplement la morphologie, l'anatomie, mais aussi la psychologie. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est pas, on part pas des animaux uniquement, l'homme est arrivé, parce que là, aussi bien dans la religion que même dans la religion laïque, je dirais. C'est-à-dire qu'on considère que l'homme est un truc à part, qui est complètement différent du reste. Or, en réalité, c'est... Même Darwin, il y a 50 ans, ne disait pas ça. Alors passons. En tout cas, d'ailleurs, la théorie d'évolution, Darwin a mis en place un mécanisme qui explique vraiment l'évolution. Je vous jette là. Je vais foutre là-bas. Et comme ça, je vais jeter la personne. Donc, Darwin a trouvé le mécanisme qui explique l'évolution, mais en réalité, l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est vieux comme le monde, mais les gens n'arrivaient pas à trouver comment expliquer ça. Et Aristote, déjà, moins 350 avant Jésus-Christ, parlait déjà du fait... Hein, avant nous. Donc il parlait déjà Aristote du lien entre l'homme et les animaux. Donc déjà, alors qu'il est assez mal vu maintenant Aristote parce qu'il y a eu après la scolastique, le Moyen-Âge, etc., passons, c'était notre débat, mais en tout cas, il avait déjà dit qu'il y avait un lien entre l'homme et l'animal, d'ailleurs. Aristote, alors que maintenant vous avez les sciences humaines d'un côté et puis les sciences de l'homme d'un côté et les sciences de la vie de l'autre, alors que l'homme c'est quand même vivant, eh bien, Aristote, il était à la fois zoologiste et sciences humaines, c'est-à-dire philosophe. Donc, heureusement, il y a eu au départ, en tout cas, dans le cas d'Aristote, quelqu'un qui était à la fois des deux côtés. Et à mon avis, c'est ça la solution. On va en parler plus à fond. Alors, actuellement, comme je vous disais, il n'y avait pas d'explication vraiment scientifique. Il y avait des tas de gens qui avaient soulevé le problème de l'évolution. C'est un peu comme l'histoire de la Terre qui est le centre du monde ou le Soleil qui est le centre du monde. Eh bien, c'est pas si récent que ça. C'est pas Copernic, etc., qui a trouvé ça. C'était déjà dit dès l'Antiquité. Mais par contre, on ne savait pas comment ça marchait réellement. C'est un peu la même histoire avec Darwin. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui ont dit qu'il y avait sans doute une évolution, parce que quand vous voyez, je ne sais pas, un chimpanzé, vous doutez bien qu'il y a un lien avec l'homme. Hein. Mais par contre, pour comprendre comment on est passé de l'un à l'autre, comment toutes ces espèces sont apparues, on n'arrivait pas à expliquer. Et d'autant plus que il y avait des trucs complètement fantaisistes. Par exemple, ici, vous avez là une des théories au Moyen-Âge, c'est-à-dire il y a un arbre, et puis il fait des fruits, et si les fruits tombent dans l'eau, ça fait des poissons, s'ils tombent à terre, ça fait des oiseaux. Vous voyez, bon, voilà, c'est pour vous donner c'est pas tout à fait, c'est difficile à croire, quoi. Ça marche pas comme ça, alors. Et donc, en réalité, quand on voit, par exemple, là, vous voyez un homme et un oiseau mis dans la même position, pourtant, les oiseaux et les hommes, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, vous obtenez quelque chose de commun. Donc déjà, il y avait pas mal de gens qui avaient eu l'idée qu'il y avait une origine animale chez l'homme. Et Buffon, donc, 1750, avait fait une théorie de la Terre, c'est-à-dire qu'il disait, c'est pas possible que la Terre se soit comme marqué dans la Bible, 7000 ans, en fait 7 jours, pardon, 7 jours, c'est pas 7000 ans, 7 jours. Et donc, il disait, c'est 74 000 ans. Mais à l'époque, déjà, on le prenait pour un fou. 74 000 ans, et lui, il commençait à se poser des problèmes, parce que Buffon, il avait quand même une certaine culture, il savait qu'il y avait des fossiles, que les fossiles n'étaient pas arrivés comme ça en 7 jours. Et néanmoins, quand il a raconté que c'était 74 000 ans, il s'est fait jeter. Et donc, il a écrit, « Quand la Sorbonne m'a fait des chicanes, je n'ai fait aucune difficulté à lui donner toutes les satisfactions qu'elle a pu désirer. Ce n'est qu'un persiflage, mais les hommes sont assez sots pour s'en contenter. » Donc il leur dit, « Bon, vous ne voulez pas que ce soit ça, pas de problème. » Comme c'était un opportuniste et un politique, on dirait maintenant, eh bien, il a dit, « Bon, d'accord, je ne sais pas d'accord, c'est pas 74 000 ans, c'est 7 jours, comme c'est marqué dans la Bible. » Mais en réalité, quand on voit maintenant ce qu'on sait, il était bien modeste avec 74 000 ans, parce que c'est des millions d'années, des milliards d'années. En tout cas, un qui a bien vu le problème, mais qui n'arrivait pas non plus à l'expliquer, c'est Cuvier, qui était le fondateur de la paléontologie, c'est-à-dire qui travaillait sur les fossiles, et en effet, on voyait des bestioles... qui était au sommet de montagne, on se disait, mais qu'est-ce que ça fout là-haut, comment ça peut s'expliquer, etc. Et lui, bon, il se trouvait devant ce problème continuel, il n'est pas arrivé évidemment au darwinisme, mais il avait trouvé une solution intermédiaire, il avait trouvé un compromis entre la Bible et puis la réalité qui était prouvée par Darwin, qui depuis n'est plus remise en question parce qu'on n'arrive pas à changer les choses, donc ça marche bien. Eh bien, c'était que Cuvier disait, il y a eu des cataclysmes successifs, c'est-à-dire, si vous voulez, l'histoire de l'Arche de Noé, ben, ça s'est reproduit plusieurs fois, et chaque fois, toute la faune était liquidée, et puis ça revenait, et puis c'est pour ça qu'il y a des fossiles. Donc c'était ça son explication. C'était déjà une approche de la vérité, disons, mais c'était évidemment, maintenant on le sait, assez simpliste. Alors, plus intéressant, là on arrive vraiment dans le vif du sujet, Lamarck, qui est un Français, et qui a fait un bouquin qui s'appelle « La philosophie zoologique », où là, il dit vraiment, en termes clairs, il y a eu l'évolution entre l'homme et l'animal, etc. Il y a un lien, on vient bien l'origine animale. Donc, si vous voulez, il a décrit le phénomène, un peu comme vous décririez une voiture, mais il s'est trompé sur le moteur. C'est-à-dire que le moteur, c'était un moteur à eau, son histoire, c'est-à-dire que ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est une hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire classique de la girafe, qui avait envie de brouter les feuilles les plus hautes, et à force de l'avoir envie, elle a eu le cou qui a monté. Bon, ça paraît idiot maintenant, mais il y a encore des gens qui dépendent de ça actuellement, hein, qui disent que la barque, c'est le vrai fondateur de l'évolutionnisme, et qu'en réalité, Darwin, c'est un rigolo, il a copié. En réalité, la marque, ça peut pas marcher, son histoire, évidemment. En réalité, comment on le sait par la même histoire, c'est-à-dire la girafe, comment ça marche, c'est moins évident à trouver, mais en tout cas ça colle beaucoup mieux, c'est que vous avez une population de girafes qui ont des coups de plus ou moins grands, et puis celles qui ont le cou le plus grand, elles sont favorisées. Pourquoi? Parce qu'elles vont au-dessus des autres, et donc elles peuvent se nourrir, se reproduire, et donc la mutation qui fait qu'elles sont un peu plus grandes que les autres, d'ailleurs que leur cou est plus long, se propage, alors que celles qui crèvent de fer, eh bien, elles disparaissent. Donc petit à petit, alors ça ne se fait pas en 5 minutes, ni même en 5 000 ans, mais au bout de quelques milliers d'années, vous arrivez à avoir des trucs incroyables comme la girafe qui a un cou complètement long et qui a même un deuxième cœur, parce que ça pose des problèmes d'anatomie et de physiologie. C'est-à-dire qu'il faut que la girafe, quand elle descend la tête pour boire, elle prend le pain et elle syncope. Parce que c'est pas évident, ça fait une telle différence, et donc il y a tout un tas de mécanismes qui se sont mis en place, qui sont bien plus compliqués que simplement la longueur des vertèbres. Mais en tout cas, c'est pas une girafe qui a eu l'idée, tiens, je vais mettre la tête un peu plus haut, ça va être un problème. Et donc, il y a eu ce qu'on appelait asseyez-vous, il n'y a pas de place. Oui, elle est là-dessus, au fond, elle est la place. Et donc, il y a eu ce qu'on appelait la querelle de l'évolution, qui maintenant est un débat dépassé, mais qui était entre Darwin et Lamarck. Alors évidemment, les Français ont longtemps été pour Lamarck, ce qui est normal, puisque c'est un Français. Et puis, en réalité, c'est quand même Darwin qui a gagné. Pourquoi? Parce que son système était beaucoup plus efficace. Et en fin de compte, c'est un peu ce que je vous disais, l'image. Ceci dit, Lamarck avait quand même trouvé des trucs intéressants. Hein. Par exemple, il vous faisait une classification bon, simpliste, mais qui n'est pas idiote, les animaux apathiques, il appelait, comme les monocellulaires, les animaux vraiment inférieurs, entre guillemets, puis les animaux sensibles, comme les insectes, et puis les animaux intelligents, et là, il mettait les oiseaux, mammifères, les vertébrés supérieurs, et en effet, ça pose un problème, qui d'ailleurs se retrouve maintenant dans les problèmes d'éthique animale, c'est-à-dire que les oiseaux et les mammifères, ils ont une sensibilité qui est proche de celle de l'homme, et donc c'est pas étonnant qu'il soit s'approche de nous. Donc déjà, il avait vu des trucs, mais par contre, son histoire, évidemment, de parce qu'on a envie, on y arrive, c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que c'est pas un truc psychologique, c'est pas un truc de cerveau, c'est que vous avez des plantes carnivores qui n'ont pas de cerveau du tout, qui n'ont même pas de système nerveux, et qui arrivent à capturer des mouches. Alors comment elles font? C'est pas, elles se posent pas le problème, c'est comme l'histoire de la girafe. Elles ne se posent pas de problème, elles ne se disent pas comment je vais attraper cette mouche, ah ouais, je vais foutre un truc un peu glissant, ou je vais mettre un système qui se referme, ou un système, il y a mille systèmes d'ailleurs de plantes carnivores. En réalité, c'est que petit à petit, c'est la même histoire que la girafe, c'est le darwinisme. Il y a eu des plantes. D'ailleurs, parce que c'était un pasteur, il avait des idées bien carrées, etc. Mais il a trouvé quand même quelque chose qui est toujours valable, et qui, plus que jamais, en ce moment, je dirais. Parce qu'actuellement, on est en pleine crise écologique, et à l'époque de Kropotkine, d'Élisée Reclus, on vous disait, l'avenir est radieux, parce que la nourriture, l'homme va trouver des tas d'astuces pour développer la production alimentaire, et donc on va avoir à manger, on n'aura plus rien à faire, on va crever de bouffe, etc. Or Malthus, et d'ailleurs c'est à la suite de Godwin, anarchiste, qu'on considère parfois comme le fondateur de l'anarchisme, Godwin a dit... Ah ben, il n'y a pas de problème, l'avenir est formidable, parce qu'avec la production qui va augmenter, on va avoir plein à bouffer, et donc ça va être formidable. Et puis Malthus a dit le contraire, c'est-à-dire, à la suite de ce bouquin, d'ailleurs après avoir lu le bouquin de Godwin, il a dit non, c'est pas possible, parce que la nourriture dans toute la nature, c'est pas seulement l'homme, dans la nature, la nourriture est quand même augmente, pas très vite, mais par contre, les animaux, les hommes, tout ça, ça va très vite. Donc il y a un déséquilibre, la reproduction, la démographie va plus vite que les ressources. Et donc là, on en est maintenant au fond de l'impasse, si je puis dire, mais c'est un autre problème dont je ne parlerai pas, c'est qu'on se trouve avec une population mondiale qui est gigantesque, et puis les ressources, ben, elles n'augmentent pas aussi vite qu'on le voulait. Et donc maintenant, on se retrouve devant le problème Malthus, qu'à l'époque, Kropotkin et Élisée Reclus considéraient comme dépassés, et d'ailleurs il y avait eu un débat, enfin on ne va pas entrer là-dedans, un néo-malthusien, comme Paul Robin, au franchiste, qui disait non, mais on ne peut oublier. Mais par contre, il avait raison. En réalité, il est évident que les ressources n'augmentent pas indéfiniment et que par contre, la population augmente jusqu'à ce qu'elle se régule par elle-même. Alors. Ou par maladie, oui. Mais du fait qu'on a supprimé une bonne partie des maladies, avant, vous aviez un tiers de la population qui mourait entre 0 et 1 an. Donc maintenant, les gens sont vivants. Ben, ils sont là, et en Afrique en particulier. Donc, les avantages de la médecine, c'est aussi la cause des problèmes qu'on a. Donc, vous êtes, si vous ne régulez pas de vous-même la population, il est bien évident que vous allez vous trouver, actuellement, on est comme les lémings qui se jettent dans l'eau, et sans se rendre compte que c'est sans solution. Et actuellement, il y a un problème, alors on se croit homo sapiens, ou l'homme sage, l'homme savant, mais en fin de compte, c'est quand même incroyable qu'on ne parle jamais des problèmes de surpopulation. Actuellement, on est trop nombreux sur la planète par rapport aux ressources. Et avec les ressources, encore je parle de la bouffe, mais les ressources de pétrole et compagnie, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et par rapport aux autres espèces vivantes. Quoi ? Nous sommes trop nombreux aussi par rapport aux autres. Oui, d'autant plus qu'on a un impact terrible. Là, on vous fait toute la journée en ce moment des trucs, la biodiversité, etc. On a un impact gigantesque actuellement. On est à la 6e crise d'extinction de la biodiversité, mais il n'y a jamais eu d'extinction aussi grande et aussi rapide que celle qui est due à l'homme en ce moment, et dont on parle quasiment pas. Et pourtant, qui est en pleine action. Hein. En tout cas, Malthus, dans son essai sur la population, 1798, il écrit « La nature a répondu d'une main... Libérale, oui, je pense. Des germes de vie dans les deux règnes, je pense. Oui, c'est ça. Mais elle a été économe en place, de place et de nourriture. Donc il avait déjà l'idée. Bon, après, lui, il en tirait une conclusion très morale, qui était du fait qu'il était pasteur. Et donc, il faut éviter de baiser, il faut rester pur, etc. Il faut les pauvres, il faut les laisser crever. Bon, enfin, bon, basson. Mais en tout cas. Hein? Il fallait manger les bébés, par exemple. Oui, voilà. Donc là, évidemment, tout le monde s'est opposé contre ça, et évidemment, c'est enfin, moralement, maintenant, ça paraît difficile, mais par contre, le principe de base, c'est en tout cas, Darwin avait emporté ce bouquin, là, sur le Beagle, et c'est en lisant ça, qui n'avait rien à voir, en fin de compte, avec l'évolution, parce que là, il parlait Malthus plutôt de l'homme, et il répondait à Godwin. Mais Darwin s'est dit, mais c'est ça la clé. Parce qu'en fin de compte, dans la mesure où il y a plein d'animaux qui font des tas de marmots, eh bien, il faut qu'il y ait une sélection. Et donc, c'est la nature qui sélectionne, et c'est le moteur de l'évolution. Et c'est comme ça que l'évolution fait qu'il y en a qui s'en tirent et qui s'améliorent, enfin, entre guillemets, qui s'améliorent, ça ne veut pas dire dans l'absolu. Hein. Ça aussi, c'est un truc, une erreur, une confusion qu'on fait régulièrement. C'est que rien n'est, il n'y a pas de morale dans la nature. C'est-à-dire que si vous avez une mutation qui ne sert à rien, enfin qui vous est pas utile, par exemple vous courez le poil, il y a des hommes, il y a une mutation génétique qui fait que les hommes se retrouvent le poil. Bon, mais c'est sûr qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est pas terrible. Mais si d'un seul coup vous étiez dans un climat super froid, ça devient avantageux. Donc c'est tout en rapport avec le milieu, et milieu qui peut parfois changer. C'est pour ça qu'il y a des variations à l'intérieur même entre les gens. C'est pour ça qu'on n'est pas tous pareils. Parce que si on était tous pareils, sitôt qu'il y a une évolution, que ça se refroidit ou ça se réchauffe ou n'importe quoi, toute la population se casserait la figure. Alors que là, il y a plein de variabilités qui fait qu'il y en a toujours un qui est plus adapté à quelque chose. Passons. En tout cas, donc vous avez compris que le mécanisme de l'évolution, c'est sélection plus variation, c'est-à-dire des mutations qui sont neutres, et puis une sélection qui fait que si ça avantage les individus par rapport au milieu, eh bien, ça se maintient, et si ça ne les avantage pas, ben ça disparaît. Pourquoi tu nous as mis des manchots, là hein? Eh, parce que c'est nombreux. La population, c'est le problème population. C'est-à-dire que là, vous vous rendez compte, là, c'est un truc, moi, quand je suis arrivé dans des îles comme ça, où j'ai passé 9 ans, je me suis dit, comment ils font pour s'en tirer? Comment ils font pour bouffer, tous ces bestiaux? Je me disais, ah bon, et en réalité, alors, ça a donné, bon, c'est une parenthèse, mais pour savoir ça, parce qu'on s'est dit quand même, là, cette colonie qui est photographiée, elle fait 1 million d'individus qui font 12 kilos. Bon, je me disais, comment ils font pour trouver cette nourriture? Donc on leur a foutu des balises argos sur le dos. Ça a été la première fois d'ailleurs qu'on mettait des balises argos sur un oiseau. Ça augmentait leur poids. Hein? Et ça augmentait leur poids. Ça? Augmentait leur poids. Ah oui, non, mais là, c'est calculé ça. Hein. C'est-à-dire on met les balises en rapport avec la taille. Enfin, bon, passons. En tout cas, en plus, les premiers, on a mis sur des grands albatros. Donc on a vu en bol, ça se l'a donné. Et puis après, on a mis avec, sur des manchots et on leur met en plus des appareils pour mesurer la profondeur, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'à moins de 300 mètres, eh bien, il y avait des quantités de poissons incroyables. Et donc, c'est sur ça qu'ils vivent. Donc, en réalité, à 100, 200 km de ces colonies, ils ont des bandes de poissons qu'on ne voit pas à la surface, que les pêcheurs ne connaissaient pas d'ailleurs, et qui se trouvaient à moins de 200 mètres à peu près. Et là, il y en a une flopée, et c'est comme ça que ça me tirait. Bon, passons, en tout cas, même là, c'est pas infini, c'est-à-dire que la population se régule par rapport aux poissons. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de manchots que ce qu'il y a de bouffe, c'est toujours régulé dans la nature. Sauf dans notre cas, et à mon avis, ça va se réguler. Enfin bon, on verra si on est là. En tout cas, maintenant, on n'est plus à l'époque de Darwin, et on en sait beaucoup plus, évidemment, sur l'évolution et tout ce truc-là. Maintenant, on a en particulier la biologie moléculaire, que vous avez entendu parler régulièrement à la télé, aux journaux télévisés ou ailleurs. Quand il y a des meurtres, des trucs comme ça, on prend du sang, du sperme ou je ne sais pas quoi, ou des poils. Et avec ça, on fait l'analyse de l'ADN et on s'aperçoit de qui c'est proche, c'est-à-dire qu'on retrouve le meurtrier, ou bien on vous dit que l'homme de Néandertal est à 0,4% de différence avec l'homme moderne, par exemple, ou à, je ne sais pas, 1,5% du chimpanzé. Et donc ça vous permet déjà de vous y retrouver. Et là, ça vous permet de faire des arbres phylogénétiques comme ça. Alors, ceci dit, ça a été confirmé ce que Darwin disait, à peu près 95% de ce qu'il a dit est toujours valable, ce qui est d'ailleurs remarquable, parce qu'à l'époque, il ne connaissait pas l'existence des chromosomes, il ne connaissait évidemment pas l'existence de l'ADN, il ne connaissait pas comment marchait une cellule, mais de l'extérieur, comme il avait une très grande pratique de la sélection artificielle, c'est-à-dire que quand les éleveurs croisent des chevaux ou des chiens ou des pigeons, en 200 ans, toutes les races de pigeons ont été mises en place. Donc il a étudié ça et il s'est dit, ça lui donnait des idées. Et donc, bien qu'il n'ait pas eu les bases biochimiques qu'il fallait, il a quand même su décrire tous les phénomènes, et à tel point que même ceux qui ne savaient pas, maintenant, c'est quasiment pas remis en question. Et actuellement, d'ailleurs, toute la biologie est basée toujours là-dessus, et pas seulement la biologie, je dirais même la philosophie, mais si elle suit, parce que la philosophie a ignoré complètement l'animal et l'évolution jusqu'à récemment. C'est que ces dernières années, enfin 2-3 ans, que ça commence à arriver en France. Aux États-Unis, c'était là depuis 40 ans. Donc, parenté, homme animal, et Darwin s'est bien rendu compte qu'il avait une bombe. Alors il était bien embêté, parce qu'il avait une femme très croyante, très sérieuse. Lui, au départ, il avait même fait des études de pasteur, et puis, bon, ça l'a pas embranché, il est passé à la biologie. Mais néanmoins, il savait très bien qu'il s'est posé des problèmes moraux. De dire qu'on est si proche des animaux. Et donc il savait que tous les gens autour de lui allaient le prendre pour un fou. Et d'ailleurs, il écrit, « Néanmoins, si considérable qu'elle soit, la différence entre l'esprit de l'homme et celui des animaux les plus élevés n'est certainement qu'une différence de degré et non d'espèce. » C'est-à-dire une différence de degré, de niveau, si vous voulez, enfin, de complexité, mais pas de nature. Hein. Ouais, alors que vous avez aussi bien dans la religion que même dans les religions du progrès athées, vous avez que l'homme est à part, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Or là, lui, il avait déjà, il y a 150 ans de ça, il avait déjà vu que ça ne tenait pas la route. Mais il savait que on ne pouvait pas l'avaler, c'est-à-dire on ne pouvait pas le raconter à n'importe qui parce que c'était incompréhensible. Là, l'échelle des êtres vivants, ou qu'on appelle parfois l'échelle de Jacob, c'est vous partez d'un horrible animal, un têtard, un alligator, vous passez par des dinosaures, je ne sais pas quoi, puis vous arrivez à des singes, des lions, et puis en haut vous avez l'être parfait, l'homme, et la femme, pardon. En tout cas, déjà dans le vocabulaire français, il n'y a même pas de différence entre hommes et femmes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on dit l'espèce ou le sexe. Déjà, s'il est féministe, il y a un problème. Enfin bon, alors que dans des tas de langues où il y a deux mots. Enfin, en tout cas, là, pour en revenir à notre affaire, pour homme. On considère encore, même les gens athées, bon, parlons pas de la religion, mais même les gens athées considèrent que l'homme, c'est l'être parfait, qui est au sommet de l'évolution, etc. Scientifiquement, c'est pas prouvé. Et c'est même, il n'y a aucune preuve pour dire ça. Donc, en réalité, on est une espèce avec un gros cerveau, qui a des tas de capacités, et là, il n'y a pas de doute. On a un langage qui est hyper sophistiqué, on a une intelligence qui est particulièrement remarquable, mais évidemment, comme on choisit toujours ces critères pour décider l'échelle des êtres, hein, et bien évidemment que c'est comme si j'étais guépard et je vous dise, tous ceux qui courent à moins de 100 km sont des nulards. Alors que moi, je cours à 120 km, je suis au sommet de l'évolution. Si vous choisissez le critère qui vous intéresse, évidemment, vous gagnez toujours. Bon, en tout cas, ce qui sort de là, et c'est que Darwin, c'est pas seulement un problème de scientifique, c'est aussi un problème philosophique ou ce que vous voulez, c'est-à-dire ça pose des problèmes de base, hein, c'est-à-dire que là on voit une caricature Darwin qui montre à un singe qu'il n'est pas loin de l'homme, quoi. Et de même que la Terre, l'homme n'est pas le centre de l'univers. En fin de compte, on reprend la grande révolution qui a eu, la révolution copernicienne, c'est-à-dire que de la même manière que la Terre n'est pas le centre de l'univers, et notre système solaire, c'est le Soleil qui est au centre, maintenant on le sait, et bien c'est pareil pour les êtres vivants. L'homme n'est pas au centre. Évidemment, comme ça nous intéresse beaucoup, parce que ça paraissait logique aussi de dire que la Terre était au centre, parce que on ne bouge pas, et puis il faut arriver à s'imaginer qu'on est sur un truc qui tourne en permanence et qu'on est à l'envers. C'était pas évident à comprendre. Hein. Et on comprend que c'est longtemps les gens ne l'aient pas cru. Mais de la même manière, pour l'homme, c'est quand même plus confortable de se dire qu'on est le sommet de l'évolution et l'être le plus parfait que de dire qu'on est un animal comme un autre et qui parfois risque de se casser la gueule, comme c'est actuellement le cas. Et donc, il y a des problèmes. C'est une révolution intellectuelle en science, mais aussi en philosophie. Et en particulier dans une partie de la philosophie qui est un peu négligée, mais qui reprend du poil de la bête, c'est l'éthique. C'est-à-dire la morale. La morale, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la morale, d'une part, on a toujours considéré dans les sciences humaines que c'était l'homme qui était le seul qui est de la morale. Bon, il semble manifestement, d'ailleurs Darwin l'avait dit, il semble qu'il y a des bases morales chez les animaux. Bon, de toute façon, c'est pas l'objet. En tout cas, vous comprenez bien que ça a des conséquences. Il y a encore des places pour... Vous comprenez bien que ça a des conséquences terribles, tout ça. Parce que vous vous trouvez piégé, c'est-à-dire avec des classifications comme celle-là, vous avez le singe, le paramécie, tout ça, et puis pouf, évidemment, vous avez l'Africain qui se retrouve, ou l'aborigène, je ne sais pas, qui se retrouve au bout. Et donc, l'homme blanc, il n'est pas là, hein, il est à part, lui, hein, faut pas confondre. Hein. Donc vous avez déjà tout le colonialisme, tous ces trucs-là qui sont dessous. Et donc, Darwin écrivait... J'ai lu des morceaux de livres d'agriculture et d'horticulture. Je n'ai jamais cessé de collectionner des faits. Des rayons de lumière sont enfin venus. Et je suis presque convaincu, contrairement à l'opinion que j'avais au début, que les espèces ne sont pas immuables. Et il ajoute, entre parenthèses, je me fais des faits d'avouer un meurtre. Pourquoi ? Parce qu'il était bien embêté, en fin de compte, de sa trouvaille. D'un côté, c'était énorme. Et de l'autre côté, d'ailleurs, il a mis 20 ans pour le publier. Parce qu'il a eu des problèmes psychosomatiques, enfin actuellement l'interprétation de toutes les maladies qu'il avait, on pense que c'est psychosomatique, c'est-à-dire que le gars, ça lui donnait des boutons, quoi. C'est-à-dire qu'il se rendait bien compte qu'il savait qu'il avait un truc énorme qui remettait en question toute la biologie et même la philosophie, mais de l'autre côté, il savait que sa femme, sa communauté, de sa ville, tout ça, allait le prendre pour un dingue. Alors, il a été assez malin, il a été très prudent, il a dit que quand il a d'ailleurs un autre gars a trouvé à Wallace, il a trouvé le même truc à ce moment-là, bon, il s'est dit je me fais brûler, donc je le publie. Et donc il a publié, mais il a attendu vraiment le dernier moment. En réalité, il était fier de sa découverte, mais il n'osait pas le dire. Et en réalité, on est toujours sur cette base. Il y a 150 ans que Darwin a dit ce qu'il avait à dire, mais je pense qu'on n'a pas complètement compris son message, c'est-à-dire qu'on a compris l'aspect scientifique, mais pas l'aspect philosophique et éthique. Et la culture occidentale, elle est toujours basée sur l'opposition animal-homme. Or, ça ne veut rien dire. Vous rendez bien compte que l'homme, c'est une espèce, que l'animal, c'est 2 millions d'espèces. C'est complètement idiot. Comment voulez-vous, dans le même tiroir, vous mettez une paramécie, un corail, un chimpanzé, un chien, c'est un truc de fou. vous vous rendez bien compte que l'homme est plus proche d'un chimpanzé ou d'un chien que d'une paramécie ou d'un ver de terre. C'est pas le même tiroir. C'est évident que l'animal, c'est une catégorie complètement artificielle qui a été inventée par nous. C'est-à-dire qu'on dit, on est nous contre le reste du monde, quoi. C'est ça. Et donc, vous voyez bien qu'en réalité, c'est pas étonnant qu'il y ait des résistances. C'est pas seulement des. Évidemment, on a tendance à penser que c'est des résistances religieuses. Bien sûr, là, c'est évidemment le plus gros. Mais il y en a aussi des résistances laïques. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le mythe du progrès, vous dites, l'homme, c'est le plus fort, il est toujours. Là, disons qu'il y a 40 ans, moi, je pensais toujours ça, c'était plus difficile à dire. Maintenant, avec les emmerdes qui arrivent, c'est plus facile, entre guillemets, malheureusement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas fait que des trucs impeccables. Quand on était. Car à l'époque victorienne, à l'époque de Darwin d'ailleurs, quand les bateaux allaient sur toutes les mers du monde, qu'on colonisait, qu'on a trouvé des tas de richesses, que le niveau de vie augmentait tous les ans, on se disait on est vraiment les plus forts. Bon, maintenant, ça devient plus difficile à défendre. Et d'ailleurs, à l'époque de Darwin, il a eu des résistances. En France, on est spécialiste pour ça. Et donc, évidemment, on a dit. Je cite Denis Ducamp, là, qui a fait un bouquin, qui est d'ailleurs épuisé, sur le darwinisme. On sait qu'en France, à la candidature de Darwin à la section de biologie, de zoologie de l'Académie des sciences, a été rejetée en 1872. Ce n'est qu'en 1878 que Darwin fut admis à la section de botanique. À l'Académie des sciences, ils avaient du mal à accepter qu'il ait trouvé quelque chose d'important, donc ils l'ont foutu en botanique. Parce que l'évolution en botanique, ça va, pas de problème. Mais l'évolution pour les humains, enfin pour le règne animal et en particulier pour l'homme, là ça va plus. Et oui. Et d'ailleurs, vous avez le portrait derrière d'Henri Fabre, qui n'était pas un idiot et qui a trouvé beaucoup de choses, hop. Mais qui, lui, connaissait très bien Darwin. Darwin l'estimait beaucoup parce qu'il a trouvé plein de trucs en éthologie, c'est-à-dire en comportement animal, et sur les mœurs des insectes. Mais lui, dans l'esprit d'Henri Fabre, quand il trouvait un truc extraordinaire chez les insectes, ça prouvait que Dieu existait. Parce que c'était la preuve, l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez, là, de la guêpe qui pique dans les centres nerveux la chenille pour ensuite pondre dessus, parce que l'autre, la chenille, est coincée, et puis c'est des petits qui vont en naître, ils vont la manger tout doucement. C'est tellement extraordinaire que pour lui, c'était la preuve que Dieu existait. Et comme il était très croyant, c'était parfait. Par contre, il n'était pas d'accord avec Darwin qui explique ça d'une manière complètement laïque, quoi, en dehors de tout cet esprit religieux. Donc vous voyez que là, il y a déjà un problème. Et ce qui fait que Henri Fabre, qui est quand même un grand bonhomme, était bloqué là-dedans. Parce que pour lui, tout ce qu'il trouvait, c'était des preuves de l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, à une époque, vous aviez plein de pasteurs, de gens qui arborisaient et qui, en regardant la nature, trouvaient chaque jour les preuves de l'existence de Dieu, parce que pour eux, c'était la preuve par neuf. Alors, vous avez, par exemple, dans les années... c'est pas marqué... Enfin, en 1925, si je m'en souviens, vous aviez il y a eu un procès, le procès du singe, on appelait ça, Dayton, et vous aviez des gens qui disaient, attention, Darwin, c'est une chose, mais nous, on est pour la Bible, et c'est deux points de vue scientifiques équivalents. Or, la Bible, c'est pas un truc scientifique. Hein. On peut y croire, mais c'est son droit. Chacun son droit, mais pas plus que n'importe quoi. C'est un récit mythique. Hein. Donc, ceci dit, aux États-Unis, vous savez que plus de la moitié des gens sont évangélistes, c'est-à-dire qu'ils appliquent la Bible à la lettre. Hein. Donc, eux, 7 jours, ça veut dire 7 jours. Et donc, vous trouvez devant un truc de fou. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes obligé d'accepter que ça a mis 7 jours pour se faire la planète et les êtres vivants et l'homme. Et puis de l'autre côté, vous voyez les fossiles chaque fois que vous ramassez des cailloux, etc. Et vous voyez bien que ce n'est pas 7 jours. Donc c'est insoluble ce truc. Et actuellement, c'est pas il y a 1925, ça continue. C'est-à-dire qu'actuellement, je vous signale qu'en face d'Obama, le candidat qui est en face, qui est un mormon, si j'ai bon souvenir, eh bien lui, il pense ça. Toujours. Et il a peut-être plus de la moitié de la population, en tout cas au moins la moitié de la population, qui pense pareil. Donc c'est pas un débat d'il y a mille ans. Hein. Alors actuellement, on ne dit plus la Bible, etc., au sens strict, parce que c'est tellement idiot que ça paraît, c'est pas crédible, quoi. Donc il vous parle de créationnisme, c'est-à-dire au sens plus fin, il vous parle d'intelligent design, ce qui veut dire design en anglais, ça ne veut pas dire dessin, on le traduit généralement comme ça veut dire concept intelligent, c'est-à-dire que vous avez Dieu, il ne s'est pas embêté dans les détails, mais il a eu... c'est l'ingénieur, c'est le grand ingénieur. Il a fait des plans, et puis après, démerdez-vous. Donc, il est derrière, mais il n'apparaît pas directement. Et donc, ça permet comme ça de trouver une solution intermédiaire, mais il ne reste pas moins que le problème est le même. Et voilà ce que disait Ronald Reagan, et d'ailleurs, par exemple, Sarah Palin, qui était candidate et qui vient de se désister, pensait même au-delà. Reagan, il disait, l'évolutionnisme est seulement une théorie scientifique, une théorie que la communauté scientifique ne croit plus aussi infaillible qu'on l'a cru autrefois. En tout cas, si on se décide à l'enseigner dans les écoles, je pense qu'on devrait aussi enseigner le récit biblique de la création. C'est normal, puisqu'il faut être honnête. Il n'y a pas de raison que Darwin soit le seul et que la Bible soit mise au rencard. Alors que Darwin, c'est quand même un truc qui est testable, qui est... Bon, c'est pas facile de prouver. Ceci dit, c'est pas étonnant si on a mis tant de temps à le trouver, parce que vous mettez des éprouvettes et vous montrez que tel produit chimique fait tel autre, vous le voyez tout de suite. Mais l'évolution, vous n'allez pas faire un cheval comme ça, hein. C'est pas aussi simple. Donc... C'est un truc qu'on observe, c'est un processus historique que vous observez au bout d'un certain temps. Alors après, quand vous croisez toutes les informations, vous apercevez qu'il n'y en a qu'une qui peut sortir, et que c'est pour ça que depuis 150 ans, tous les deux ans, il sort un bouquin, ça y est, Darwin est foutu, etc. Et puis en réalité, il est toujours là. Donc, et on n'a pas il n'y a aucune théorie alternative à part ce truc-là, mais qui est déjà un design, mais c'est pas une théorie scientifique, c'est un truc religieux camouflé, quoi. Alors, donc... Vous voyez que... Alors maintenant, on passe aux implications sociales. Et déjà, vous voyez que les mots sont minés. Ils sont biaisés. C'est-à-dire que dans le social, déjà, implication sociale, ça veut dire humaine. Mais les sociétés, il n'y a pas que des sociétés humaines. Déjà, on est compte. Déjà, dans les mots, vous avez déjà... les cartes sont biseautées. C'est-à-dire que les sociales, il y a des sociétés de fourmis, enfin. L'implication sociale, ça ne veut pas dire obligatoirement l'homme. Or, les sciences sociales, ce n'est pas les sciences de fourmis. C'est science de l'homme. Donc vous voyez qu'actuellement, on est sur cet héritage de 2000 ans qu'on traîne et qui est la base de la civilisation occidentale, la culture occidentale, mais qui est remis en question, parce que c'est pas aussi simple. Ça veut pas dire que... Et d'ailleurs, on est unique, c'est-à-dire qu'on est les seuls à penser ça, les Égyptiens, les Grecs, tout ça, pensaient qu'on n'est pas spécial, l'homme, on est inséré dans un milieu avec des tas d'animaux, c'est pour ça qu'ils avaient des tas de dieux. Et la théorie de... Enfin, l'origine de tout ça, c'est sans doute le monothéisme, c'est-à-dire que dans la mesure où vous décidez qu'il n'y a qu'un dieu et que tout ce qui n'est pas à lui, c'est nul, eh bien, vous êtes foutu. Quand vous avez plein de dieux, comme les Égyptiens, eh bien, ce n'est pas grave d'en avoir mettre un de plus, etc. Vous mettez des dieux à tête de crocodile, ce que vous voulez, et il y a un gars qui arrive, il a un nouveau dieu, c'est pas un problème, et vous acceptez des tas de trucs, vous êtes beaucoup plus ouvert. Alors que dans le monothéisme, non seulement vous dites il n'y a qu'un dieu et c'est celui-là qui est le vrai et les autres c'est tous des nullards, je les tue, et puis en plus vous avez plusieurs monothéismes, c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que vous avez le judaïsme qui dit nous on est les vrais, c'est nous qui avons inventé le truc, puis vous avez le christianisme qui dit mais non ça s'est dépassé, nous on a une religion universelle, ça ne s'adresse pas qu'aux juifs, et puis vous avez les musulmans qui vous disent tout ce qui est avant c'était des disciples, des prophètes. Mais nous, on a la vérité, et il n'y a que nous qui avons la vérité, et les autres, on les tue. Donc, c'est insoluble, ce truc-là. Et donc, en réalité, les bases même de cette séparation animal-homme, c'est un truc de culture occidentale basée, à mon avis, et ça a été dit par moi, par plein de gens, sur le monothéisme. En tout cas, Darwin répondant à Wallace, qui était le co-découvreur, c'est-à-dire qui a eu la même idée et qui a obligé Darwin à sortir son bouquin, qu'il n'osait pas sortir, Il lui répond dans un courrier, d'ailleurs voilà, c'est très correct, au lieu de lui dire, vous m'avez piqué mes idées, il a reconnu que Darwin avait trouvé avant, et il a laissé tout à fait sortir que son bouquin, et Darwin a eu tous les mérites de l'invention. Mais en tout cas, Darwin écrivait, vous me demandez si je discuterai l'homme, dans mon bouquin, dans l'origine des espèces. Je crois que j'éviterai ce sujet, qui est entouré d'une si grande quantité de préjugés, bien que j'admette que pour un naturaliste, ce soit le problème le plus élevé et le plus intéressant. Donc, Darwin, d'ailleurs, il ne dit pas un mot dans sa l'origine d'espèce, le livre principal, il ne dit pas un mot sur l'homme. Parce qu'il sait que c'est miné, ça va exploser. Donc, il reprend le truc 10 ans après dans un bouquin où il commence à aborder la situation, mais c'est assez curieux, il parle des animaux et pas de l'homme. Parce qu'il savait très bien que c'était trop dangereux. Mmh. Alors, les retombées du darwinisme, c'est-à-dire les retombées maintenant, alors maintenant qu'on a, je vous ai expliqué, j'espère, hein, ce qu'est le darwinisme, vous allez voir tout ce qu'on en a fait. C'est-à-dire que tout le, combien, tout le monde, les gens se sont dit, c'est super, ah, ça règle le problème de l'origine du monde vivant, mais chacun a voulu tirer couverture à lui, et c'est à partir de là que ça commence à déraper. Et là, vous avez Huxley, qui était le on appelait le roquet, le molosse de Darwin, qui défendait des trucs, enfin les idées de Darwin, mais Darwin, lui, il était toujours malade, il sortait jamais de chez lui, il avait ses problèmes psychosomatiques, et donc il s'est jamais disputé avec personne, lui, il restait chez lui, et c'est les autres qui se sont disputés pour lui. Parce qu'il y avait tellement de problèmes, vous voyez, d'ailleurs, encore, voilà, une classification, vous avez le chimpanzé gorille, puis pouf, le noir. Nègre, nègre. Alors, ça a donné, évidemment, ce darwinisme tiré à l'avantage de la grande civilisation occidentale, ça a donné le colonialisme, parce que dans la mesure où nous, on est vraiment au-dessus de tous, d'ailleurs on est civilisés, et puis il y a des nullards là, en Afrique ou ailleurs, qui sont vraiment à la limite du chimpanzé, quoi. Et donc, vous voyez comment Darwin peut être tiré pour exploiter le filon. Et vous l'avez parfois d'une manière moins évidente, moins grossière, c'était l'art du jardin, qui était paléontologiste et jésuite. Donc il était piégé, le gars. C'est-à-dire que d'un côté, il trouvait des fossiles, et en particulier, il étudiait les fossiles humains. Et puis de l'autre côté, il se dit, bon, moi je suis religieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors comme il était jésuite, il a cherché évidemment à trouver le chemin. Et il a dit, bon, mais Dieu, c'est pas, actuellement il n'est pas là, c'est le point oméga, c'est-à-dire la direction dans laquelle l'homme va. Et quand l'homme sera parfait, qu'il se sera amélioré, etc., le règne de Dieu sera là. Donc il a trouvé une solution, bon, et d'ailleurs il a été mal vu, il a été mis au banc du catholicisme, parce qu'on trouvait qu'il allait un peu fort. Alors, un qui a le mieux tiré la couverture à lui, et qui la tire toujours mieux, bien que ce soit très ancien, c'est Spencer, qui était un ingénieur, et qui est devenu le philosophe officiel du darwinisme, à tel point qu'aux États-Unis, on connaissait Spencer, mais on ne connaissait pas Darwin. Et lui, c'était le vulgarisateur de Darwin. Mais il a eu un coup de génie formidable, c'est que, alors que il y avait des problèmes sociaux, comme dans partout, entre les ouvriers et les patrons, etc., et que les capitalistes faisait un fric monstre aux États-Unis, mais il se sentait un peu gêné, il y avait des socialistes qui les critiquaient, etc. Et donc, ils étaient un peu embêtés parce que on leur disait, vous êtes des salauds. Alors que là, d'un seul coup, il leur a dit, mais non, pas du tout, pas du tout. Les capitalistes, ce sont simplement, c'est la nature, c'est la loi du plus fort. Donc, celui qui dirige l'usine, ben c'est le plus malin, c'est tout. Donc c'est normal qu'il se reproduise, qu'il ait plus d'argent, qu'il ait plus de bouffe, etc. Donc c'est moral. Donc en réalité, vous êtes du côté de la nature. Et alors, vous allez me dire, c'est rigolo, c'est ce qu'on appelle le darwinisme social, qu'il faut que tout le monde le confonde d'ailleurs avec le darwinisme. Darwin n'était pas du tout darwiniste social. C'est-à-dire que lui, au contraire, il était très, très bien pensant, il donnait de l'argent par l'intermédiaire de sa femme à l'église pour les pauvres, etc. Il n'était pas raciste du tout, contrairement à ce qu'on racontait. Il avait quand même une haute idée de la société victorienne, mais ça, quelle est la personne qui n'est pas influencée par son époque, hein, à part, en commençant par Freud et son machisme, mais il n'en reste pas moins que le darwinisme social, c'était pas du tout Darwin, ça a été une ressucée, une déformation du darwinisme. Et vous me direz, bon, ça c'est loin, pas du tout. Vous avez Alain Mink, qui n'est pas dans la préhistoire, qui est toujours vivant et qui ne s'arrête pas de conseiller tous les gouvernants, et qui vous dit le capitalisme c'est naturel. Vous entendez celle-là. Hein? Bon, et attention, en plus c'est très fort comme argumentation, ça a l'air simple comme ça et idiot, mais quand vous étudiez le truc, c'est imparable, parce que quand il remonte au truc, quand il remonte toute l'histoire du darwinisme, si vous ne suivez pas l'affaire et si vous n'êtes pas au courant, il vous convainc que c'est naturel. Et si vous n'avez pas les arguments, vous faites avoir. Et après vous dites, ah non, c'est complètement idiot, vous savez que c'est idiot, vous ne savez pas pourquoi. Alors un autre, alors là on était dans le domaine des capitalistes, si je puis dire, qui ont récupéré la couverture. Il y a aussi les nazis qui ont récupéré la couverture. Vous avez Ernst Haeckel, qui est pas n'importe qui, puisque c'est l'inventeur du mot écologie, qui veut dire la science du logis. Eh bien, c'était un matérialiste. Alors lui, c'est pas du tout religieux, etc. Au contraire, lui, il a tiré la couverture dans trois sens. C'est-à-dire, il a dit non, Darwin a trouvé une solution pour éviter la religion, on n'a plus besoin de la religion, en sentir sans religion. Donc, pour être, si vous voulez être athée, il faut être darwiniste. Alors, ça paraît convaincant, et c'était tellement convaincant que Lénine était un fan de Haeckel, qui était autrement plus connu à l'époque que Darwin, et qui était dans toute l'Europe. Ses bouquins se vendaient comme des petits pains partout, et étaient archi connus. Et Lénine a donné ensuite le communisme en se basant sur, dans les principes du communisme, on retrouve ce truc-là, c'est-à-dire que l'homme, c'est l'homme du futur qui va arriver au sommet de l'évolution, et ensuite au sommet des animaux, il arrive à être au-dessus des autres, et il se réalise à travers le travail et la société, etc. Donc, c'est pas au hasard tout ça. Mais il y a pire, hein. C'est-à-dire que vous avez la doctrine allemande du évolutionnisme qui part aussi de Haeckel, et qui a été repris en France, il y a eu des tas de gens, tiens, Donato a étudié ça, c'est Vacher de la Pouge, qui était bibliothécaire à Montpellier. Hein. Et vous avez Gobineau, vous avez entendu parler de Gobineau, Glumpovitch peut-être pas, en tout cas, c'était les théoriciens du nazisme qui s'appuyaient sur une interprétation erronée, mais néanmoins astucieuse, du darwinisme. Donc vous voyez toutes les dérives possibles à partir du darwinisme. Chaque gars tire la couverture, et chacun... Alors avec ça, le darwinisme, vous avez ce que vous voulez. Vous avez le capitalisme, vous avez même des maoïstes qui ont utilisé le darwinisme, c'est pour vous dire. En tout cas, à partir du nazisme, eh bien, vous avez le surhomme de Wagner, Nietzsche. Bon, Nietzsche c'est un gars plus compliqué parce qu'on peut le tirer à gauche ou à droite, mais il n'en reste pas moins que vous avez quand même derrière ce surhomme, il y a quelque chose, hein, c'est pas au hasard. Et donc Haeckel avait bien présenté le problème. Alors, à partir de là, vous avez les socialistes qui sont bien embêtés. Parce que d'un côté, ils acceptent les explications matérialistes de Darwin, parce que ça les dérange. Enfin, ils ont une solution pour expliquer la nature et la création sans faire appel à Dieu. Mais de l'autre côté, ils se disent quand même, ça va pas ça, parce que comme ils sont pas d'accord avec Malthus et la compétition, ils disent c'est pas possible. Donc ils sont pris en sandwich. Et à mon avis, on en est toujours là. Hein, c'est-à-dire qu'actuellement, j'ai reçu la. Avant mon exposé, il y a des lettres de râlage, peut-être que dans le débat on en reparlera, mais qui me disaient « Ouais, vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas lu Darwin, etc. » Vous pensez, j'ai de mon boulot, moi, je suis directeur de recherche au CNRS, ça veut dire qu'on passe 10 heures par jour à bûcher ces questions, donc je connais un peu quand même, j'ai pas lu de bouquin. Hein. Donc, vous voyez bien qu'en réalité, les socialistes sont coincés. C'est-à-dire que, d'un côté, ils reconnaissent que Darwin apporte quelque chose d'énorme, c'est-à-dire un matérialisme pour expliquer l'origine de l'homme, mais de l'autre côté, ils se disent, mince, si le Malthus, la lutte du plus fort, et la compétition en outrance, c'est la solution, et c'est ça le darwinisme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les textes. Et en effet, les convictions politiques des socialistes sont opposées, par définition, au darwinisme social, mais pas au darwinisme, c'est pas pareil, hein, je vous ai expliqué. Donc, vous avez par exemple Engels qui vous dit « On n'avait jamais fait de tentative d'une telle envergure pour démontrer qu'il y a un développement historique dans la nature, du moins jamais avec un pareil bonheur. » Là, il est baba parce qu'il s'est dit « Enfin la solution !» Parce que personne avant, même les gars, Lamarck, il avait trouvé, l'idée était bonne, mais il ne savait pas comment expliquer. Il avait, comme je vous disais, la voiture, la carrosserie, mais il n'avait pas le moteur. Alors que là, par la sélection plus mutation, là, vous avez un système qui peut marcher sans qu'il y ait personne derrière. Il n'y a pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, tout marche tout seul. Et donc, il reconnaît Engels que c'est formidable, mais de l'autre côté, ils se disent, il y a un problème. Alors, Marx vous dit, malgré le manque de finesse, on reconnaît l'esprit sympathique de Marx, malgré le manque de finesse bien anglais du développement, c'est dans ce livre que se trouve le fondement historico-naturel de notre conception. Voilà, c'est tout. Donc, il récupère aussi le darwinisme, et il envoie même à Darwin le Capital, après avoir lu l'Origine des espèces, et avec une belle dédicace sympa, etc. Et puis, on a l'exemplaire où Darwin a ouvert 4 ou 5 pages, puis après, il s'est dit, c'est nul, ça ne s'intéressait pas, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Et donc, il n'a jamais lu la suite. Ah, c'est un plus, c'est ça. Oui. En tout cas, Engels, après avoir dit, c'est très bien, il s'est dit, c'est quand même, il y a un problème. Alors, il dit, dans la doctrine de Darwin, j'accepte la théorie de l'évolution, mais je n'admets sa méthode de démonstration, lutte pour la vie et sélection naturelle, qu'en tant que première expression provisoire et imparfaite d'une réalité nouvellement découverte. Donc là, il commence à prendre ses distances, parce qu'il s'aperçoit qu'il est dans un sphère piégé, et il ne sait pas comment s'en tirer. Alors, vous avez Marx, qui dit, si j'arrive à le lire, parce que je ne me rappelle pas de ça, peut-être. Je te le lis là. Darwin a été amené, à partir de la lutte pour la vie, dans la société anglaise. La guerre de tous contre tous, à découvrir que la lutte pour la vie était la loi dominante dans la vie animale et végétale. Mais le mouvement darwiniste, lui, y voit une raison décisive pour la société humaine de ne jamais se libérer de son animalité. Donc déjà, il commence à prendre lui aussi ses distances très fortement et il dit « attention, je suis coincé ». Et là, c'est là qu'on arrive, alors là il y a pire encore dans le marxisme. C'est Lysenko, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est la meilleure. C'est-à-dire que pendant 30 ans, ce gars-là, alors, il s'est appuyé sur le marxisme et sur Staline, et puis un peu Khrouchtchev, pour dire, la génétique, ça n'existe pas, c'est une science de capitaliste, de bourgeois, ça n'existe pas, il n'y a pas de transmission des caractères, c'est pas vrai. Par contre, c'est le milieu qui s'adapte, enfin, les plantes et les animaux s'adaptent. Et il dit donc, il ne peut exister de société de classe chez aucune espèce de plante et des animaux. Là, il part carrément du marxisme, il en tire, lui, il fait le truc, il se chamale en l'air. Au lieu de partir de l'évolutionnisme pour en tirer des conséquences sur le marxisme, il part du marxisme et après il va prouver la science. Il ne peut donc être ici question de lutte de classe, même si on la baptise en biologie concurrence intraspécifique. Donc, d'ailleurs, ça aboutit à une catastrophe. Ils ont les La génétique russe en 1930 était en plein démarrage, hein, comme aux États-Unis, avec ce gars-là qui s'est fait bien boire de Staline et compagnie, et qui leur a dit l'avenir, c'est une science de bourgeois, il faut supprimer. Les chercheurs et les directeurs de laboratoire, soit ils ont changé de sujet, soit ils sont partis en Sibérie, où ils sont morts. Donc attention, ça rigolait pas. Et ça date pas de seulement de 1935. Vous voyez qu'en 1935, c'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore dominant, c'était la pensée dominante. Ils ont organisé un congrès, ils ont voulu organiser, en 1930, les généticiens soviétiques, ils ont voulu organiser un congrès de génétique, ça a été bloqué et ça a été arrêté. Et donc, les gars qui étaient généticiens, ils ont disparu, parce que soit ils ont reconnu qu'ils étaient plantés parce qu'ils n'avaient pas le choix, soit ils sont allés en Sibérie, quand ils voulaient absolument garder les mêmes conceptions de la vie. Donc, et ce gars-là, il a fait plein de conneries, en particulier, parce que, par exemple, il vous racontait qu'il y avait des blés d'hiver, et que ça, avec ça, on allait trouver la solution pour avoir du blé dans les hautes latitudes, et qu'il n'y avait pas besoin de se servir de la génétique, ça allait se faire tout seul, évidemment, il s'est planté, ça n'a pas marché, et puis, voilà, ça s'est arrêté là, et néanmoins, ce qu'on appelle le lysenkisme, ça a bloqué complètement la génétique russe, qui a été arrêtée, et qui a disparu pendant 40 ans de la scène scientifique, à tel point que ça faisait rigoler toute la planète, enfin du moins dans le monde industriel des laboratoires de science, alors qu'eux, ils étaient toujours sur leur truc. Et maintenant, évidemment, ils font comme tout le monde, ils font de la génétique. Hein. Alors, maintenant... Je vais rire, moi. Pas si évident. Ah, ouais. Quand on le lit, un poil, oui. Ouais, c'est bon. C'est l'évolution de l'écran, là, c'est ça. Il faut les écrans. L'évolution de l'écran. Alors, pas si évident, mais tout aussi commun dans la nature. Alors là c'est les Russes se sont fait planter complètement pour l'histoire de génétique, mais si on peut dire, il y a une justice. C'est-à-dire que les naturalistes russes avaient observé des trucs qui ont été reprises par Kropotkin, dont on va parler maintenant, c'est pour ça que je voulais au départ appeler cet exposé Darwin et Kropotkin. C'est que Kropotkin, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui parlaient uniquement russe, et donc ils ne pouvaient pas le faire savoir au reste des scientifiques, mais qui avaient repéré que dans la nature, il y avait des tas de phénomènes qui ne s'expliquaient pas uniquement par la compétition. C'est-à-dire, et ça, en réalité, il n'y a pas besoin d'être même naturaliste. Quand vous voyez une mère qui défend ses petits et qui peut se faire tuer pour les défendre, hein, quand vous voyez un mâle qui se met devant le troupeau et qui bloque les attaques des prédateurs, bon, il y a quelque chose, c'est pas la compétition, ça. Il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre phénomène qui vient, des défenses collectives, des attaques collectives, une meute de loups qui attaque un gros truc qui fait 10 fois plus, qui est plus, 10 fois plus gros que lui. C'est pas uniquement des trucs de compétition, ça, ils se mettent tous ensemble pour faire quelque chose. Donc, les naturalistes russes qui avaient aspergé le terrain avaient repéré ce truc-là, et Kropotkine se vivait dans ce milieu avant de foutre le camp de Russie. Et alors, comme Kropotkine, comme les chercheurs russes, avaient l'habitude de l'Arctique, et dans l'Arctique, on le voit qu'il y a des exemples extraordinaires de coopération. C'est-à-dire des animaux qui se mettent ensemble pour défendre, par exemple, les bœufs musqués. Quand il y a une meute de loups qui les attaque, hop, ils se mettent tous en formation, ils mettent les petits au milieu, il y a les gros mâles qui se mettent devant, et puis pof, et les loups, ben, s'ils n'arrivent pas à tirer un jeune, ils sont foutus, ils peuvent pas lutter. Donc en réalité, ça c'est pas la compétition, c'est de la coopération. Et donc il y a une autre force. Et donc Kropotkine, on le connaît surtout pour son aspect ouvriériste et socialiste, classique, communiste, anarchiste, hein, en tant que théoricien, mais moi je pense que ce qui est vraiment de plus original chez lui, c'est le bouquin « L'entraide ». Alors vous savez que c'était un prince géographe, c'était pas vraiment un bon naturaliste, hein, on va dire, pour ça qu'il a écrit quelques bêtises dans son bouquin, mais néanmoins, c'était quand même qu'il avait une vision, un gars intelligent, et qu'il avait une vision d'ensemble. Et donc, ce socialiste anarchiste, il a écrit « L'entraide, un facteur d'évolution » en 1902, qui a été longtemps oublié par les socialistes parce qu'au lieu de s'opposer au darwinisme, il dit « Je continue Darwin. Je suis pas, la compétition, ce n'est pas l'opposé de l'entraide, c'est complémentaire. » C'est-à-dire qu'il y a deux forces. Darwin a surtout décrit, évidemment, la compétition, d'abord parce que c'est plus facile à voir, hein, les animaux qui se battent entre eux, c'est plus spectaculaire. Alors que par contre, il y a une autre force qui est aussi importante, qui est la coopération. Et donc, en réalité, l'évolution, ben, c'est la rencontre de deux forces antagonistes ou complémentaires, qui sont la coopération et la compétition. La compétition a été mise en évidence par Darwin, la coopération a été signalée la première fois par Kropotkine. À mon avis, c'est ça qui était vraiment original et qui, à mon avis, fait qu'il était très en avance de son époque. Alors, il y a eu une polémique là-dessus, évidemment. C'est-à-dire que quand il a écrit son bouquin, d'ailleurs, dans son bouquin qui est épuisé, c'est-à-dire que maintenant, ce que je disais là, c'était encore valable jusqu'à il y a 2 ans, et puis là, ça redevient la mode, tout le monde redécouvre Kropotkine et Entraide. Donc, l'édition, là, il voulait. Non, mais il y en a d'autres. Ça, c'est les livres qui sont là, c'est un copain qui rédige des classiques anarchistes. Donc, il a fait des bouquins de Kropotkine, mais chez d'autres, des éditeurs pas vraiment libertaires, on peut le trouver, l'entraide. Je pourrais vous donner les références, on peut les regarder. En tout cas, ça devient très à la mode, parce qu'évidemment, on se rend compte que c'était un texte qui avait été oublié, qui avait été méconnu, parce que les gens étaient obsédés par l'aspect théoricien, communiste, anarchiste. Et puis ça paraissait un peu bizarre, parce que généralement, la gauche est anti-darwinienne, parce qu'elle dit « Ah, c'est l'inné, c'est la nature, les animaux, etc. » Bon, c'est pas l'homme. Et puis, en fin de compte, Kropotkine a une attitude vachement originale, parce qu'au lieu de dire « Darwin, c'est la connerie », il a dit « Non, Darwin, c'est très bien », parce qu'il était quand même très, très ouvert et un bon scientifique. Donc, il s'est bien rendu compte que Darwin, c'était impossible. Il y a des places, là, vous pouvez voir. Sur le rang du fond. Mais même là, il y en a. Ouais, il y a deux places ici. Et donc, il s'est bien rendu compte, Kropotkine, qu'au lieu de s'opposer à Darwin, tête vie en tête, comme aurait fait n'importe quel gars à l'esprit étroit, il a dit non, Darwin, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Et donc, à partir de là, ce que dit Kropotkine, c'est que Darwin, il a été trahi par ses disciples. C'est-à-dire qu'au départ, il est parti tellement sur la compétition que tout le monde s'est enfilé là-dedans, et surtout les gars qui ont suivi, en disant « il n'y a que la compétition qui compte, c'est la lutte pour la vie, c'est le capitalisme, etc. » Après, il y a eu les applications tordues et biaisées, mais il n'en reste pas moins que ça a orienté dans une direction. Or, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et il dit dans son bouquin, Kropotkine, que Darwin voulait écrire un livre, justement, pour dire qu'il y avait les animaux se contrôlaient, les populations animales se contrôlaient, et qu'il y avait des moyens, et puis il est mort, donc le bouquin n'a jamais été écrit. Et puis surtout, il faisait appel à William Bates, qui était le collaborateur principal de Darwin, et qui lui a écrit une lettre où il écrivait « Oui, certainement, c'est là le vrai darwinisme, ce qu'ils ont fait de Darwin est abominable. » Écrivez ces articles, et quand ils seront imprimés, je vous écrirai une lettre que vous pourrez publier. Manque de chance, lui aussi il est mort. Et donc, on n'a jamais vu de... Mais en tout cas, bon, c'est pas grave, parce que de toute manière, ça a évolué tellement vite qu'on a redécouvert les choses après coup. Alors donc, pour résumer, vous avez des textes fondateurs, Malthus, alors c'est en anglais, mais enfin bon, c'est pareil, mais c'est sur le principe de la population, comme il affecte l'amélioration des sociétés. Darwin, l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, et attention, la deuxième partie est toujours oubliée, et qui prouve que Darwin est quand même bien planté avec son histoire de compétition, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Donc, généralement, soit les gens vous disent Darwin c'est un salaud, soit les gens vous disent mais Darwin avait déjà tout trouvé. Mais non, la preuve c'est que dans le deuxième titre de son bouquin, il insiste sur la lutte pour la vie, donc c'est pas étonnant que les gens soient plantés. Et puis c'est normal, c'est beaucoup plus visible la compétition que la coopération. Après, vous avez Spencer qui vous fait un bouquin, un système de philosophie synthétique où il explique tout, c'est-à-dire c'est l'organisme social, et qui continue à marcher bien, ce que je vous disais. Actuellement, le capitalisme est basé là-dessus. Hein. Et puis, vous avez Huxley qui a repris Darwin, mais encore en enfonçant encore plus sur la compétition, et il a fait un bouquin qui s'appelle Lutte pour l'existence et sa signification pour l'homme. Et puis vous avez Kropotkin, dont je vous ai parlé, qui a fait l'entraide, un facteur d'évolution. Et donc vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas deux forces opposées, c'est deux forces complémentaires. Vous avez la compétition, surtout décrite par Darwin, et puis vous avez la coopération, surtout décrite par Kropotkin, et qui permet de se tirer d'affaire. Parce qu'à partir du moment où il y a de la coopération dans l'évolution, vous n'avez plus le problème qu'avaient Marx et Engels, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligatoirement dans une lutte de tous contre tous qui gêne l'idéologie socialiste. Alors, le problème, c'est que, encore faut-il expliquer, en science, il ne suffit pas de dire des choses, ou du moins, en science humaine parfois, mais c'est très difficile de prouver, mais en biologie, par exemple, normalement, on doit arriver à prouver ce qu'on dit. Or, là, c'est pas... Autant c'est facile à expliquer sur le plan génétique à la compétition, autant la coopération, on ne voit pas trop, parce que lutter contre un autre pour arriver à se reproduire et arriver à faire des enfants, etc., bon, je vais vous expliquer ça, et ça paraît assez facile à comprendre. Par contre, quand vous dites à quoi ça sert la coopération, comment ça peut se transmettre génétiquement, hein? Et alors là, il y avait un gros blocage, c'était les sociétés d'abeilles. Parce que les sociétés d'abeilles, c'est un problème insoluble. C'est-à-dire les insectes sociaux comme les fourmis et les abeilles, c'est incompréhensible. Quel est l'avantage génétique pour des ouvrières stériles d'élever les enfants de la reine? Ça paraît complètement idiot ce truc-là. Autant génétiquement, vous comprenez qu'on puisse se battre avec celui qui a gagné, ils se reproduisent, autant vous ne voyez pas pourquoi il n'y a qu'une reine qui pond des œufs, et puis il y a toutes les ouvrières qui sont stériles, qui ne pondent pas, qui ne font pas d'enfants, et qui travaillent pour la reine, c'est un truc de fou. Et quel est l'avantage génétique d'un truc comme ça? Alors là, c'est George Hamilton, 30 ans plus tard, parce que Kropotkin n'a pas été suivi sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'il a, c'est l'initiateur, c'est le découvreur de l'idée, mais par contre, scientifiquement, les gens ne l'ont pas suivi parce que c'était une position idéologique qui n'était pas du tout basée sur des... On ne pouvait pas le prouver mathématiquement, génétiquement, etc. Par contre, George Hamilton, qui était un étudiant particulièrement brillant, et d'ailleurs il a eu du mal à passer sa thèse parce que ses profs trouvaient que ça paraissait bizarre son histoire, tellement c'était novateur, il a dit, mais c'est la même famille en fin de compte. Dans une ruche, hein, les ouvrières, c'est quoi? C'est les tantes des enfants, puisque c'est les sœurs de la reine. Donc, quand les ouvrières élèvent les enfants de leurs sœurs, elle développe le patrimoine génétique de la famille, pas le leur personnellement, mais celui de la famille. Donc il y a un patrimoine commun. Donc en réalité, c'est plus une sélection individuelle, c'est une sélection familiale. C'est clair? Comment il détermine ce sont les sœurs de la reine? Ah ben ça, c'est archi connu. Hein. Ça, on le sait, ça. Et puis de manière actuellement, vous n'avez rien du tout, hein, parce que vous avez, d'une part, on le sait par observation, mais maintenant, vous avez l'ADN, des trucs comme ça, par génétiquement. Oui, il a fait par ADN. Ah non, non, mais à l'époque, on le savait, il y avait des apiculteurs, et des apiculteurs de belle lurette qui observent des abeilles, et ils savaient que c'était des cerfs de la reine. C'est la même origine. C'est la même souche. Hein. Oui, c'est la même souche. Donc ils sont obligatoirement de la même famille. Hein. Ouais, la... Ils sont allés tous de la même famille. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non. Votre famille personnelle, c'est pas la même que la famille humaine. Hein. Et là, c'est pareil. Les abeilles, en général, c'est pas pareil qu'une ruche. Une ruche, dans la ruche, vous avez toute la même, c'est la même famille élargie, gigantesque, c'est tout. Et donc, la reine et les ouvrières stériles sont des sœurs. C'est la nourriture qui détermine voilà. Le fait que l'une d'entre elles devient reine. Et d'ailleurs, quand une reine meurt, il y en a une autre qui est en quelque sorte élue, choisie, entre guillemets, hein, et qui va prendre la suite grâce à une alimentation particulière. Comme ça, qu'on croit qu'en faisant nous, la gelée royale, on va devenir des rois et des reines. C'est dégueu. Enfin, en tout cas, vous avez compris le système. Quoi. Bon, je continue. Alors là, on a, d'ailleurs Darwin avait quand même, bon il n'avait pas compris tout ça, mais il s'était quand même posé le problème d'une part, il n'arrivait pas à résoudre ce problème des ruches là, et des sociétés supérieures d'insectes, comme les fourmis et les abeilles, mais quand même il s'était dit, il employait le mot sélection familiale, donc il avait déjà vu qu'il y avait quelque chose d'un niveau supérieur qui n'était plus la sélection individuelle qui est utilisée dans la compétition, mais qui est un truc très général. Et autrement, on ne savait pas expliquer, les sociétés d'insectes actuellement sont expliquées comme ça, et personne n'a trouvé d'autre explication, en tout cas. Alors, maintenant, on termine avec... Vous avez, en exagérant un peu et en jouant sur les mots, c'est un peu comme la droite et la gauche, vous avez un peu l'opposition altruisme-égoïsme en biologie. Donc, vous avez la sélection individuelle avec Darwin, successeur, donc basée sur la compétition, et puis vous avez la sélection, on dit de parentèle, sélection familiale, avec Hamilton et ses successeurs, venant de Kropotkin, qui est basé sur la coopération. Donc vous avez deux sélections, et c'est ça qui complète et qui permet de s'en tirer. Alors maintenant, je vous fais une diapo sur laquelle je pourrais parler 5 heures, mais je vais parler 5 minutes pour abréger, et vous allez tout comprendre. Alors là, on va parler de l'arménien de droite et de gauche. Moi j'ai mis ça un peu pour rigoler, parce que c'est législatif, mais enfin bon, droite et gauche, c'est un peu décalé quand même. Mais enfin, en tout cas, vous avez... Ce que je reprends ce que je vous ai dit, mais d'une manière plus parlante, vous avez tous les précurseurs de Darwin, c'est-à-dire les gens qui ont dit toutes les théories de l'évolution, qui ne trouvaient pas le mécanisme, mais qui avaient bien compris qu'il y avait une évolution. Et là, vous avez Aristote, Buffon, Erasme Darwin, le grand-père de Darwin, Cuvier, Lamarck, Wallace, et puis, clac, vous avez Darwin qui explique les choses parce qu'il a l'idée qui lui est donnée par le bouquin de Malthus. C'est-à-dire qu'il y a des populations limitées, et que donc, par la sélection, on arrive comme ça à évoluer. Et qui est parti, lui, de Godwin, qui disait, c'est l'abondance, il y a plein de bouffe, c'est l'avenir, on aura plein de bouffe, et il ne s'en rendait pas compte qu'il y a un moment où ça se bloque, que dans les populations animales, comme maintenant dans la population animale, il faut dire qu'à l'époque, le problème n'était plus du tout le même dans les populations humaines, parce qu'on était en pleine expansion, on trouvait chaque année de nouvelles sources d'énergie et de bouffe, donc c'était le paradis, alors que maintenant, évidemment, c'est plus facile à défendre ce que je dis. Alors, en tout cas, vous avez compris que le darwinisme, c'est une variation plus la sélection individuelle, hein, et donc vous avez l'évolution, le passage de d'une espèce à l'autre, petit à petit, par petits sauts, et puis après, clac, ça se bloque sur une espèce qui marche comme elle veut, et puis ensuite, si elle va sur une île, ben, ça donne une nouvelle espèce, etc., parce qu'elle est complètement isolée des autres, le patrimoine génétique change, etc. Passons. En tout cas, vous avez pas mal de gens comme Thomas Huxley et Conrad Lorenz et Robert Ardrey qui ont utilisé, ça c'est pas très vieux, hein, Ardrey c'est 60, Lorenz 60 aussi, qui vous disent il y a une lutte de chacun et puis etc. Bon, c'est la lutte pour la vie. Et donc c'est l'agressivité, le bouquin de Lorenz que vous avez peut-être lu, c'est l'agressivité, une histoire naturelle du mal. Hein. Et vous avez le grand Spencer, parce que lui, il a une descendance gigantesque, et puis ça continue, c'est le darwinisme social, c'est-à-dire c'est la base du capitalisme. Et puis après, vous avez Haeckel, Bachet de la Pouge, Gobineau, Klompowitz, Nietzsche, qui aboutissent au nazisme, c'est-à-dire le surhomme, etc. Donc, on peut dire que vous avez tout un paquet de gens là, qui sont basés sur la compétition. Et puis de l'autre côté, vous avez Kropotkin, qui lui vous sort l'idée d'entraide et d'altruisme inné, parce que là ça veut dire qu'il y a une base génétique à l'altruisme, attention, hein. C'est pas seulement de l'éducation comme on le dit à gauche. Et puis vous avez Engels, Marx, Lénine, qui partant de Haeckel et de Darwin, arrivent à une vision du marxisme qui malheureusement donne Lysenko aussi, c'est-à-dire le déni de la génétique à travers le stalinisme. Puis vous avez William Hamilton qui donne une base scientifique et génétique à Kropotkin en expliquant les histoires de sélection familiale, de sélection de parentèle, et la biologie moderne est toute basée actuellement là-dessus. Tous les laboratoires qui travaillent dans ce domaine travaillent maintenant sur ces bases. Et puis vous avez tout un tas de disciplines, il en sort tout le temps, dont la sociobiologie qui a été très mal vue en France parce qu'en réalité on n'a pas compris tellement ce que c'était, l'écologie comportementale qui fait à peu près la même chose mais qui est moins agressive, moins provocatrice. Vous avez l'éthologie cognitiviste, vous avez la psychologie évolutionniste, vous avez plein de disciplines actuellement qui se développent et qui sont basées sur le lien entre écologie, éthologie, évolution, c'est-à-dire l'animal dans son milieu, le comportement de l'animal et puis l'évolution, c'est-à-dire le passage d'un animal à l'autre, ce que je viens de vous raconter, darwinisme. Vous avez un bouquin qui dérive d'Hamilton et qui vulgarise, c'est Richard Dawkins, le gène égoïste, qui est parfois un peu simpliste, mais en tout cas qui permet de bien comprendre. Et puis vous avez, très récemment, alors ça c'est plus récent, ça date de 40 ans aux États-Unis et en Canada, c'est l'éthique animale, avec Peter Singer qui est le plus connu, qui a fait un bouquin qui s'appelle Libération animale, il n'est pas loin du million d'exemplaires maintenant. Et donc, vous avez toute la partie du haut, c'est la compétition, c'est entre guillemets, évidemment, le capitalisme, et puis la partie du bas, c'est la coopération, et c'est entre guillemets, le socialisme. Donc, vous voyez, tout c'est clair. Hein. C'est pas fini. Alors, dans le conflit science-société, hein, qui est à la base, eh bien, vous avez, en biologie, la coopération est accepté comme l'autre moteur de l'évolution, mais en économie, la compétition est toujours seule à être prise en compte. Je ne sais pas si vous avez vu la différence, c'est fondamental, on y est en plein dedans. Et donc, évidemment, ça pose des problèmes. Voilà. Alors, si vous avez, il y avait des gens qui m'ont envoyé des lettres, ben, jure, si je puis dire, s'ils sont là, qui s'expriment. Non, de critique. Là-bas, au fond. Alors, vas-y, ouais. Tu fais là. Ouais, je... C'est pas du tout pour une lettre d'insulte. Hein, Ah non, mais on n'est pas obligé de t'insulter. Hein. Non. Non, d'ailleurs, on peut coopérer. Hein. Vous êtes celui qui m'a envoyé cette lettre-là, ce mail? Non. Pas du tout, non. Je veux bien le connaître. Non, au contraire, moi je me réjouis que dans les milieux anarchistes, il y ait ce type de conférence. Hein. Ah bon. C'est vrai que souvent, quand on dit ce que tu viens de dire, notamment dans les milieux féministes, on se fait carrément crucifier au mur de façon immédiate. Hein. Oui. Donc, c'est intéressant que la discussion ait lieu. Alors, je vais seulement donner quelques compléments. Le Peter Singer, là, dont tu as parlé, il a aussi écrit un petit livre qui s'appelle « Pour une gauche darwinienne ». Oui, une gauche darwinienne, très bien d'ailleurs. Où il explique toutes ces choses-là. Alors, en général, cette gauche darwinienne, dans le milieu anglo-saxon, elle est plutôt social-démocrate ou démocrate très, très démocratique à l'américaine, si vous voulez. C'est pas des radicaux, mais vous pouvez transposer, vous pouvez en tirer des... Après, le débat politique, c'est est-ce qu'il vaut mieux être plutôt pour le socialisme, plutôt pour l'anarchisme, etc. C'est autre chose, mais disons que le raisonnement qui tire des conclusions allant vers le sens d'une société solidaire, ce raisonnement, il existe. Donc, chez Peter Singer, je veux dire, c'est pas seulement un défenseur des animaux. Hein. Et surtout, c'est un petit livre qui est très facile à lire, tout ça. D'autre part, si tu permets, tu as dit que la théorie de Darwin montre qu'il y a de la solidarité puisqu'on défend ses propres gènes. Hein, quand par exemple une abeille élève ses, entre guillemets, nièces. Il y a aussi une autre raison pour la coopération, c'est que la coopération, même entre individus entre espèces qui ne sont pas apparentées, qui n'ont pas du tout les mêmes gènes, la coopération peut être à bénéfice mutuel. Hein. Par exemple, dans notre intestin, on a toutes sortes de microbes qui vivent grâce à nous et nous vivons grâce à eux. Hein, ils nous aident à digérer, etc. Donc, il y a deux, d'après les théories du darwinisme actuellement, il y a deux sources à la coopération. Aider ceux qui ont les mêmes gènes que moi en partie, hein, et là, malheureusement, ça rejoint un peu ce que dit Le Pen, hein, je préfère aider mes filles que mes cousines que les étrangers, enfin, vous voyez ce genre, hein, mais il y a aussi l'idée que, et ça, il y a des tas d'exemples dans la nature de coopération entre des individus ou des sociétés qui ne sont pas apparentés et qui en tirent un bénéfice mutuel. Et ça, il faut... je voudrais signaler ça dans la démonstration. Maintenant, je recommande aussi de lire ce qui s'écrit sur les primates, en particulier, si vous trouvez que je parle trop longtemps, en particulier, les livres de Franz Deval, Deval. Hein. Bon, il a écrit un livre qui s'appelle « De la réconciliation chez les primates ». Il a montré que pour que les sociétés de primates fonctionnent, non seulement avec une forte compétition entre mâles, etc., etc., mais aussi avec des rituels de réconciliation, d'établissement de la paix. Et il y a des féministes qui sont allés plus loin en disant, je pense notamment à Sarah Blaffer Hardy, B-L-A-2-F-E-R-Hardy, H-R-D-Y, hein, qui... Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est Deval lui-même, mais qui montre que dans les sociétés de primates, telles que par exemple les chimpanzés, la compétition entre les mâles est un facteur très perturbateur de la société. Mais évidemment, ça permet aux mâles les plus forts de transmettre leurs gènes. Mais la société fonctionne parce qu'il y a de la solidarité aussi, et notamment solidarité entre les femelles. Hein, avec, dans ces livres-là, on trouve des comparaisons entre différentes espèces de primates, et on voit par exemple que dans beaucoup d'espèces de primates, la compétition entre les hommes aboutit à ce que les mâles sont musculairement plus forts que les femelles, et donc ils imposent une domination aux femelles, ils leur imposent même un certain niveau de violence. Hein. Les plus connus pour ça, malheureusement, c'est les êtres humains. Hein, avec un niveau de violence plus élevé contre les femelles que... c'est malheureux à dire. Hein, mais, il y a des tas d'exemples où c'est la solidarité entre les guenons qui fait que la société fonctionne, qui fait que... Et les fameux bonobos, hein, puisque, comme vous le savez, il y a trois espèces qui sont très fortement apparentées, hein, c'est les chimpanzés, les bonobos et les humains. Hein. Et au niveau génétique. Et chez les bonobos, la domination masculine est très diminuée parce qu'il y a une solidarité entre les femelles qui bloque la domination masculine et qui valorise tout ce qui est comportement de réconciliation, etc. Bon, je ne dis pas que c'est merveilleux. On a trouvé aussi qu'il y avait des blessures chez ces gens-là, chez ces primates qui pouvaient aussi avoir des bagarres. Je voudrais encore signaler une autre ligne de réflexion actuelle. C'est donc une réflexion sur la violence. Alors, il y a un bouquin que j'ai adoré, malheureusement, il est en anglais, j'ai pas tout compris. Ça s'appelle « Demonic Males », les mâles démoniaques. C'est un bouquin sur la violence chez les différentes espèces de primates. Hein, et dans ce bouquin, les auteurs... Excusez-moi, je suis arrivé très vite, j'ai oublié d'amener mes... mais Demonic Males, les auteurs font référence à un courant du féminisme américain qui s'appelle Evolutionary Feminism, le féminisme évolutionniste, hein, qui essaye de comprendre la tendance à la domination masculine à partir justement de ce schéma darwinien. Parce que c'est vrai que une femelle, c'est pas forcément intéressant qu'elle domine des tas de mâles, puisque de toute façon, chez les primates, une femelle, elle ne fera qu'un nombre limité de descendants. Alors qu'un mâle, comme il fabrique des milliards de spermatozoïdes, plus il domine, mieux ça vaut. Et puis après, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une explication de pourquoi il y a la domination masculine à partir du darwinisme, ce qui ne veut pas dire que ces femmes-là, parce que c'est surtout des femmes, évidemment, hein, vous comprenez, hein, mais aussi des hommes dans le féminisme évolutionnaire, ça ne veut pas dire du tout que ces gens-là sont d'accord avec la domination masculine. Au contraire, ils montrent qu'il y a des tendances pour contrebattre la domination masculine. Hein, et puis tous ces gens-là vous diront toujours, c'est pas parce que quelque chose existe dans la nature que c'est bien, hein, mais il faut le connaître, ne serait-ce que pour savoir le combattre. Et c'est qu'il y a des ressources dans la nature des primates, et notamment des êtres humains, pour le combat. Donc j'insiste là-dessus, notamment parmi les féministes et évolutionnaires, et je terminerai là-dessus, hein, Sarah Blaffer-Hardy, alors elle a écrit un gros bouquin qui s'appelle « Les instincts maternels ». Quand on lit juste le titre, on se dit « Ouais, c'est encore une réac qui dit que les femmes sont faites pour faire les enfants et puis c'est tout ». C'est pas du tout ça. C'est une analyse très détaillée des modulations du rapport mère-enfant, du fait que, par exemple, dans l'espèce humaine, il y a la possibilité d'abandonner les nouveau-nés, hein, et que c'est une forme de limitation des familles qui existaient depuis longtemps. Enfin, bref. Et qui montre les résistances féminines au rapport d'oppression masculine qu'on connaît, hein, notamment, je sais pas, il y a par exemple des chapitres remarquables sur le 19e siècle avec l'utilisation des nourrices, c'est-à-dire les femmes pauvres étant utilisées par les femmes riches et les hommes riches pour allaiter leur bébé. Et pendant ce temps-là, comme la femme riche cesse d'allaiter, son ovulation reprend et donc l'homme peut reprendre avec elle la reproduction, et vous avez comme ça de la bourgeoisie où, qui va faire plein d'enfants, pendant que vous avez des pauvres femmes qui vont, par exemple, abandonner leur enfant à la campagne pour aller se faire embaucher pendant qu'elles ont du lait. Enfin, vous voyez, bon. Donc, je répète, Sarah Blaffer-Hardy, je vous encourage à le lire. Ne croyez pas les gens qui vous disent que ces gens-là sont des réacs. C'est pas vrai. Il existe une gauche darwinienne, et c'est une gauche qui est non seulement pour la solidarité, mais qui est également féministe, parce qu'elle montre les ressources que nous avons, nous, en tant qu'animaux humains, les ressources psychologiques que nous avons pour défaire la compétition et la domination. Excusez mon enthousiasme. Non, tu réponds, et je vais dire un mot simplement. C'est très bien ce que vous dites, je connais évidemment tous ces auteurs et bien d'autres, mais moi j'ai essayé de faire, on parle tellement bas, que j'ai essayé déjà d'expliquer les bases. Non, vous comprenez autrement, les gens vont se perdre. C'est-à-dire que là, moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est pas aussi simple, et que le Darwin, c'est pas d'abord le copieur de la marque, c'est pas dépassé, c'est pas le méchant darwiniste social, capitaliste, c'est pas aussi simple. Donc en réalité, après vous avez fait, c'est la suite, si je puis dire. Mais ça, moi je suis pas entré là-dedans, il y aurait bien d'autres choses à dire, bien sûr. Mais là, je ne suis pas entré là-dedans parce que c'est tout un débat et beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile, je dirais. Anne, vous voulez parler? Il y a une chose qui m'étonne, c'est la division et en fait l'opposition, moi j'ai mal compris, que vous faites entre compétition et coopération. Parce que moi je trouve que les deux vont très bien ensemble. Mais c'est ce qu'on dit. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que ça marche ensemble. Oui, c'est bien ça. En réalité, ce que j'ai dit, c'est que c'est émulation, moi je dirais. De nier la compétition, il a dit c'est complémentaire, c'est une autre force. Ce qu'on attendait, chaque fois qu'il y a un gars qui trouve une idée nouvelle, il dit ce qui est avant, c'est complètement nul. Là, ce qui est fort chez Kropotkin, c'est qu'il a dit, c'est vrai ce qu'a dit Darwin, parce qu'il avait quand même une grande culture et qu'il a bien vu que ça tenait la route, mais il a dit, mais il y a une autre forme, une autre force dans l'évolution, et c'est la coopération. Et entre parenthèses, c'est pas inutile sur le plan politique ou philosophique, parce que ça ouvre la voie au socialisme. Alors qu'actuellement, alors là, je reprends un peu ce que vous avez dit, et même au-delà, c'est qu'on est dans une impasse. C'est-à-dire, pourquoi le PS et toute la gauche est bloquée dans ces trucs-là, dans l'idéologie, ils n'arrivent plus à en sortir, parce qu'ils sont dans la compétition, ils n'ont pas compris. Alors, ils parlent d'entraide, mais ils n'ont pas... Émulation, en fait, et coopération. Ces deux mots, je trouve qu'ils... Émulation. Oui, c'est-à-dire que il y a coopération, et la coopération donne envie d'aller plus loin ensemble. Oui. Non, mais là, il y a quand même un problème dans le socialisme, c'est-à-dire qu'il a, il est anti-darwinien. Alors, j'ai même une diapo pour expliquer tout ça, vous voyez, il faut préparer à l'avance. Actuellement, on part d'une conception qui est complètement simpliste et fausse, et qui bloque toute la pensée socialiste, à mon avis. C'est-à-dire, les gènes, c'est à droite, et l'environnement, c'est à gauche. Hein, c'est-à-dire que en fin de compte, quand c'est la nature, c'est la droite, Le Pen, etc. Et quand c'est la culture, les sciences humaines, etc., ça c'est à gauche. C'est faux en réalité. Et justement, on se fait piéger dans un truc, c'est-à-dire que pof, on dit ah, c'est Le Pen. Évidemment, quand vous avez dit ça, vous avez tout dit, c'est fini, la discussion est arrêtée. Et donc, on ne peut plus sortir de ce piège dans lequel on s'est enfermé. Or, la crise Elle a eu au moins, on est dans une pleine crise sociale, écologique, économique, tout ce que vous voulez. Elle a au moins un avantage, c'est qu'elle nous fait douter des fondements de la culture occidentale, c'est-à-dire que la séparation homme-nature, qui bat depuis 2000 ans et même au-delà, on est basé là-dessus. C'est complètement idiot. Réfléchissez un peu. D'ailleurs, là, ça doit être facile de vous convaincre. C'est comme dire, l'aquarium et le poisson rouge, ça n'a rien à voir. Évidemment qu'on est dans la nature. Et la preuve, c'est que maintenant, on est tellement dans la nature qu'on est en train de se planter. C'est-à-dire que c'est plus un problème de défendre la nature ou les animaux, c'est de défendre nous-mêmes. On est tellement coincé maintenant qu'on est dans une impasse. Et donc, en réalité, on se demande comment on est arrivé à penser des trucs aussi idiots que l'animal est à la droite et que l'homme est à gauche. C'est complètement idiot, ce truc-là. En réalité, on est une espèce très originale, très particulière, pas meilleure que les autres. Il n'y a pas de raison d'en mettre plus haut que d'autres. Il n'y a pas de hiérarchie, mais il n'en reste pas moins que nous, on est très importants, ne serait-ce que parce que c'est nous. Et que donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas s'opposer à la nature, on ne peut pas s'opposer aux animaux. On en fait partie. Donc, c'est incroyable qu'on ait cette discussion. Et donc, en réalité, on retombe sur toute la culture européenne et en particulier française, qui est très forte pour ça, c'est que l'homme, c'est un être de culture et de liberté. Alors que par contre, l'animal, c'est un être d'instinct. Et que ce soit Descartes, à Sartre ou n'importe qui, tout le monde vous dit ça en cœur. Donc, ça remet en question toutes les bases sur lesquelles on a construit notre éducation, qui sont des trucs qui sont tordus. Or, évidemment, ça nous paraît évident, d'abord parce qu'on a ce cadre de pensée, on a été élevé comme ça, et puis parce qu'on vit dans la culture occidentale, mais toutes les autres cultures, elles ne pensaient pas comme ça. Le bouddhisme, ils ne pensent pas comme ça, le bouddhisme, les Égyptiens, toutes les chasseurs-cueilleurs, moi j'ai vécu avec les pygmées, eux, la forêt, pour eux, c'est pas un étranger, un ennemi, ils y vivent dedans. C'est comme, pour prendre une comparaison avec le monde moderne, ils vivent comme dans un supermarché, et puis tout est gratuit, c'est la différence. Et ils connaissent tout. Donc, vous vous rendez compte qu'en réalité, on est bloqué dans un système qui s'est bloqué complètement maintenant, et dont on n'arrive pas à sortir. Et à mon avis, les socialistes se sont coincés. Alors qu'il y avait Kropotkin qui avait déjà donné la solution, mais il a été oublié non seulement par les socialistes, mais il a été oublié même par les anarchistes. C'est pour ça qu'il revient à la mode, c'est pas plus mal. Alors, et pourtant, il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que vous avez quand même, c'est quand même un problème. Moi, ça me frappe, ça. Que le darwinisme soit accepté sur le plan scientifique, dans toutes les universités françaises, en tout cas, ou des grands pays, on vous dit que le darwinisme, c'est ça la solution, etc. Bon, etc. Et même aux États-Unis, ils ne sont pas contents, mais n'empêche qu'à l'université, ils apprennent toujours le darwinisme. Mais, d'un autre côté, en même temps qu'on vous dise que le darwinisme, c'est vrai sur le plan scientifique, on vous dit, attention, l'homme est une cire vierge. C'est le credo, la doxa de la culture occidentale. C'est-à-dire, on vous dit, mais c'est pas vrai. Vous prenez un bébé qui tète sa mère, personne ne lui a... C'est pas la culture, on lui a pas fait un cours pour lui dire comment téter. C'est un instinct. Donc, même chez l'homme, il y a des instincts. En réalité, il n'y a pas d'animaux ou d'hommes chez lesquels il y a l'inné d'un côté et l'acquis de l'autre. Dans les années 70, il y a eu tous des débats en éthologie là-dessus, et on sait qu'en réalité, l'inné et l'acquis, ça existe chez tous les animaux à des degrés divers, à des pourcentages divers, et c'est tellement imbriqué qu'on n'arrive pas à les séparer. Donc, évidemment, l'homme, c'est un être avant tout de culture, mais il a aussi une part de d'inné, et peut-être même, c'est d'ailleurs ce que dit un peu Kropotkin, même dans l'altruisme, il y a une part peut-être de donc, et pourquoi ça irait contre le socialisme, hein, entre nous. D'ailleurs, si Kropotkin l'a dit, c'est pas un hasard. Enfin, en tout cas, vous voyez que le dilemme sur lequel on base toute notre culture ici, c'est-à-dire, vous disiez tous les trucs, vous ne pouvez pas discuter, soit avec les féministes, les gens de gauche, l'inné, qui, pour prendre des exemples pas si vieux, quand Sarkozy a fait sa campagne électorale, pas celle-ci, mais la fois d'avant, il y a eu un débat, je ne sais pas si vous avez vu ça, avec Michel Onfray. Ouais. Alors, c'était rigolo ce débat, parce que c'était sur l'éducation des enfants. Et donc, il y avait Michel Onfray, qui évidemment à gauche, disait l'éducation, c'est ce qui fait tout, c'est l'éducation qui décide de l'avenir et de la délinquance. Et puis vous avez Sarkozy, évidemment, qui était la droite pure et dure, et qui vous disait non, à 4 ans tout est fait, et donc il suffit de repérer les gars qui à 4 ans sont déjà un peu baboule, et puis après, crac, on saura. Or, c'est évidemment facile de voir que Sarkozy disait des conneries, mais c'est plus difficile de voir qu'Onfray disait des conneries. Parce qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est uniquement. C'est un problème d'éducation. Il y a aussi une part d'inné. Et quand on. C'est pour ça que c'est la discussion de tout à l'heure, là. Quand on nie avec Hardy, là, etc., quand on nie les bases génétiques de l'homme, on se plante. Parce qu'on croit. C'est comme des DSK qui croient qu'il est le pur intellectuel et que sa quéquette ne le concerne pas. Il est évident qu'il est pris par ses pulsions les plus. En plus, lui, c'est complètement ma boule, c'est pathologique, et même fait. En tout cas, c'est une caricature de grand singe qui veut sauter toutes les femelles, c'est tout. Donc, en réalité, ce mec-là, c'est quand même un mec hyper intelligent, qui connaît vachement en économie, etc., qui a manqué être président de la République. Or, ce mec-là, il n'a pas du tout l'impression d'être mené par la biologie. Or, c'est évident qu'il est mené. Donc, on arrive à des problèmes, et donc, actuellement, moi, je pense que c'est un débat qui est plus grave que l'histoire de Minelli, qui lui a revenu, etc., c'est comment distinguer la gauche de sa droite. Pardon. Stéphane. À toi. Non, Stéphane. Ah, bon. Après, il y a d'autres personnes. D'accord. Tu dis que Kropotkin a mis en place le concept de coopération. Il me semble que déjà chez Darwin, il évoque moins fortement peut-être, ouais, et notamment lui. J'ai parlé de sélection familiale, que Darwin avait déjà parlé. Oui, je veux dire, il y a peut-être que les gens n'ont pas compris, coopération. Quoi. Parce que chez Darwin, effectivement, il y a peut-être effectivement moins développé sur le truc, et notamment aussi avec la sélection sociale. Ouais. C'est pour ça que Kropotkin ne s'est pas opposé à Darwin. Oui, non, il a dit qu'il était la continuité de Darwin. Et aussi, Darwin, avec le sous-titre de son bouquin, et puis le fait que tous ses disciples ont foncé sur la compétition, on a oublié qu'il avait vu que c'était pas aussi simple. Mais bon, c'est vrai que c'était pas facile, d'une part, à trouver l'histoire de coopération, et d'autre part, il n'arrivait pas à résoudre cette histoire de ce que les insectes qui étaient insolubles sans avoir les clés génétiques. Donc ça n'a été possible qu'un siècle après. Notamment aussi avec la sélection sexuelle. Parce que chez Darwin, il y a la sélection naturelle. Mais ça, il avait dit, Darwin. Oui, aussi, non, c'est ce que je dis. Donc, il y a une sorte de sélection. Oui, on entre dans le détail. Voilà, il y a deux sélections. Darwin avait déjà vu qu'il y avait deux sélections. Sélection individuelle, où chacun se bat contre l'autre. Et puis, il y a une sélection sexuelle, où là, c'est mâle contre femelle. C'est-à-dire que pourquoi des cerfs font des bois terribles, le pan a un truc extraordinaire. En réalité, c'est que la sélection n'est pas la même, et ce qui a été évoqué tout à l'heure par l'intervention du fond. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, maintenant, ça a vachement évolué, c'est bien au-delà de ce que faisait Darwin avec la sélection sexuelle, mais on sait qu'en réalité, chaque sexe à une sélection qui est parfois en compétition avec celle de l'autre. Et donc, par exemple, c'est ce que vous avez dit, là, enfin, bon, je le dis rapidement, mais lisez les bouquins de France de Waal qui expliquent ça d'une manière très simple, c'est que, par exemple, quand on vous raconte des conneries comme l'homme et la femme, c'est pareil, comment ? Pourtant, c'est la règle de la pensée actuelle. On est là-dedans. J'ai dit, alors, je me suis encore engueulé il n'y a pas longtemps avec un gars qui me dit, mais moi, je suis anarchiste, moi, je suis au-dessus de tout ça. Bon, ok, il a raison. Mais n'empêche que le mec, il me dit, non, l'homme et la femme, c'est pareil. Alors, je lui dis, mais comment anatomiquement et physiologiquement, on n'est pas quand même pareil. Et il me dit, ouais, là, d'accord, mais la psychologie, non, on est pareil. Mais non, évidemment, il y a quelque chose qui change. Ça ne veut pas dire que la femme est supérieure ou que l'homme est supérieur. Mais ça veut dire qu'il y a des différences. Et que c'est tout. C'est de la biologie toute bête. Enfin bon, passons. Renard. Bon, d'abord, merci pour m'avoir expliqué pourquoi aujourd'hui, dans l'époque de néolibéralisme, on voit une disparition des abeilles. C'est logique. Et puis, j'apprécie beaucoup vos remarques sur mon frère. Et puis. C'est ce que je veux dire aussi, c'est quelques auteurs que vous avez mentionnés, j'ai un regard un peu plus critique. Ça commence déjà chez Malthus. Malthus, pour aujourd'hui, si c'est un écologisme vulgaire, il y a toujours cette tentation avec Malthus que c'est le problème, c'est la population, il est trop exagéré, donc il y a toujours une tentation de basculer sur des concepts de réduire la population avec plus ou moins de violence. Ça, c'est un grand problème. Et même chez les nazis, il y avait cette phase de néo-malthusianisme. C'était très actuel chez les nazis. Et notamment, je veux montrer le point sur deux concepts qui ne sont pas encore mentionnés, mais qui sont très fortement liés au malthusianisme. Ce sont des concepts de santé. Donc, celui qui gagne la compétition concurrentielle est le plus sain. Et aussi le concept de beauté. Donc on a un regard, ceux qui sont vraiment à la tête, qui gagnent cette compétition, ils sont les plus beaux. Et par exemple, un handicapé, il n'est pas regardé comme une beauté. Hein? Et ça prend d'autres problèmes dont, si on continue avec l'histoire que vous avez montrée, à mon avis, le problème chez Kropotkine, c'est vraiment cette complémentarité entre le principe concurrentiel et l'entraide. Parce que pour moi, la vision anarchiste, c'est 100% entraide et 0% concurrentiel. La concurrence, c'est pour moi un principe capitaliste. Et donc à abolir à la longue. Donc là, j'ai un problème conceptionnel avec ça. Et ça aboutit aujourd'hui, par exemple, à un penseur, comme on a déjà évoqué, Peter Singer, par exemple, à l'utilitarisme, qui dit aussi que si c'est, par exemple, un nouveau-né handicapé, on est plus vite à des mesures de l'empêcher. Ça, je vois beaucoup de problèmes. Michel. Oui, moi, je suis professeur d'histoire géographie à la retraite et j'ai été amené à enseigner à des élèves les origines de la civilisation, de l'homme. Et il est évident que la question de la sélection naturelle est posée. Par exemple, l'image qui est là sur le tableau n'est plus montrable aujourd'hui aux élèves. Il y avait des manuels dits de géographie et d'histoire qui montraient que depuis le singe jusqu'à l'homme, il y avait une continuité et que par conséquent, il n'y avait pas eu sélection avec évolution et, comme tu l'as expliqué, évolution et, comment dire, modification, le mot m'échappe. Mutation, merci. Mais qu'il y avait eu un continuum. Alors que l'originalité de l'évolution pour l'espèce humaine, c'est le fait qu'elle a acquis la conscience d'exister, qui me semble être le fond de la question. Maintenant, sur l'enseignement en France, il n'y a pas encore, ou j'espère qu'il n'y aura pas, un combat entre les créationnistes et les évolutionnistes, comme on l'a aux États-Unis actuellement. Il y a quand même une tradition scientifique en France qui fait qu'on essaye d'enseigner des faits scientifiques. Mais l'évolution, comme le darwinisme, sont des éléments sensibles et on les élimine aujourd'hui de l'enseignement. Il n'y en a pas. Hein? Alors que en classe de seconde ou en sixième, on commençait par les origines de l'homme et de la civilisation. Aujourd'hui, on commence par la démocratie athénienne. C'est plus facile, hein. Comme ça, je n'ai pas obligé de plonger dans le problème. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'aux États-Unis, la Cour suprême a rejeté l'enseignement concurrentiel des créationnistes et des darwinistes. C'est-à-dire que les créationnistes ont été éliminés comme une base scientifique. Ça, c'est un élément intéressant à donner. Mais dans certains États où le créationnisme est donné aux élèves concurremment à l'évolutionnisme, il y a des professeurs qui utilisent cette apparence pour faire sauter en l'air la question du créationnisme, en amenant en classe des documents matériels datés pour faire comprendre qu'il y a une évolution historique dans la nature, comme il y a une évolution historique dans l'humanité. Et par conséquent, ils arrivent à faire sauter le fait qu'il y a un créationnisme. Ils arrivent à montrer à leurs élèves, sans que ce soit le produit d'un combat ou d'une acrimonie ou qu'on veut en classe, mais simplement par l'analyse des faits, leur analyse scientifique, avec la datation en géologie, la reconnaissance des faits, eh bien, on arrive aujourd'hui à avoir une compréhension de l'évolution. C'est un peu comme la dérive des continents. Au début, on ne comprenait pas que le secret se trouvait au fond des océans, dans les plaques tectoniques qui s'avancent ou qui se reculent. On croyait que c'était au sommet, qu'il y avait les continents flottés sur quelque chose. Et puis quand on a envoyé la recherche scientifique au fond des océans, par rapport à la guerre froide d'ailleurs, il a fallu voir comment les sous-marins soviétiques passaient en Atlantique Nord. Alors les Américains se sont mis à rechercher frénétiquement comment se comportait le fond de l'océan. Et ils ont découvert qu'il y avait là une datation à partir d'une dorsale avec écartement datée et tout. Et on a compris qu'à ce moment-là, la dérive des continents, elle ne pouvait pas être comprise par la surface, mais que par le fond des océans. Donc, l'évolution scientifique, c'est comme quand Marx a voulu rencontrer Darwin. Il n'y est pas parvenu. Il aurait voulu faire dédicacer le Capital par Darwin. Bon, il faut, comme tu disais, que Darwin restait chez lui parce qu'il ne voulait pas sortir, ça c'est vrai. Et Marx avait donc lu l'évolution des espèces. Et d'un certain point de vue, c'est une analyse, bien entendu, historique. Or, Marx était pétri d'histoire, puisque l'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes, c'est la première phrase du manifeste communiste. Et donc, il avait creusé la question du capitalisme. Comment il se formait, quels étaient ses mécanismes. Donc, lui, il avait réellement... Mais quand il lit l'évolution des espèces par Darwin, il la comprend tout de suite. Du point de vue de l'analyse qu'il a faite, lui, de l'histoire. Et par conséquent, ça lui semble génial et ça renforce sa conviction de l'évolution de l'humanité par rapport à l'histoire. Or, Darwin ne pouvait pas comprendre le Capital, comment lui il avait écrit. Et donc, il a eu raison de dire que, après avoir lu 4 ou 5 pages, ça ne l'intéressait plus. Je comprends que ça ne pouvait pas l'intéresser à ce moment-là. Donc, il n'y a pas eu... Mais il avait fait passer le Capital par son gendre, qui avait le contact avec Darwin. Donc, par conséquent, d'un certain point de vue, les marxistes pouvaient parfaitement comprendre Darwin, alors qu'au début, Darwin ne pouvait pas apprécier la place de Marx dans l'analyse qu'il avait faite de la lutte des classes, etc. Parce que les classes sociales, ce n'est pas l'affrontement inné ou biologique, c'est l'affrontement qui est consécutif aux conditions de vie dans lesquelles la société est mise par le développement des rapports de production, qui font que ce n'est pas une violence innée, mais une violence de classe, l'affrontement entre une classe qui exploite et une classe qui est exploitée. À partir de là, si on comprend ça, on comprend bien que l'homme n'est pas de manière innée violent et militariste et tout ce qu'on veut. Et je pense qu'on a là quelques éléments de réflexion et je suis content d'avoir écouté ce que tu as dit du point de vue de Kropotkin, parce que moi je suis un marxiste de sucre. Je l'ai compris. Mais je suis un libre penseur et on étudie cette question en permanence. Il vient d'y avoir un congrès mondial des libres penseurs à Oslo qui a reconstruit la libre pensée à l'échelle mondiale. Et en particulier, il y a des libres penseurs très nombreux aux États-Unis qui disent comment ça se passe là-bas. Et c'est passionnant de le lire parce qu'eux, ils sont dans le bain jusque-là en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs. Et c'est un combat au corps à corps où généralement, ce n'est pas les créationnistes qui gagnent. Ils sont sur la défensive. Alors que ce sont Des évolutionnistes qui sont, eux, à l'offensive et qui sont écoutés. C'est normal, d'ailleurs, parce que... Oui, ils sont pas... Il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas, évidemment. Donc c'est même pas... C'est même pas une compétition. C'est pour ça que c'est complètement fou, cette histoire américaine, de poser la Bible à Darwin, parce que c'est pas scientifique, la Bible. Bien sûr. Attends, je suis constat. À moi ? Oui. Oui. Alors, d'abord, j'ai vu une chose, je suis désolé, je suis arrivé avec un mal de retard. Pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais quand même, la fin, je trouve, retombe sur une forme de raquette intellectuelle qui consiste à dire ou bien vous êtes créationniste, vous êtes un religieux, un scientifique, tout ce que vous voulez, ou bien vous êtes darwinien. Alors là, quand même, il faut y reprendre un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? De revoir l'histoire depuis le commencement. D'abord que Darwin n'est pas l'inventeur de l'évolutionnisme. C'était lié au début. Que bien d'autres. Être là au début, parce que c'est ce que tu commençais par là. Moi, je renopie. On parlait de Lamarck. Vous me disiez qu'il n'avait pas d'élément moteur. S'il avait quand même un, peut-être, c'était la volonté animale. Exemple de la girafe. Alors là, je ne vais pas en faire la conférence. Ah ouais. C'était le début, ça. C'était le début de la conférence. Il y a eu la girafe. Par exemple, oui. Un tas le coup sur des générations. Ça a fini par donner le résultat qu'on connaît. Oui, là, je ne peux pas recommencer la conférence, parce que j'ai déjà répondu à ces questions. D'accord. Disons, alors, remontons au jour. Lorsque les chrétiens ont pris le pouvoir à Rome, ils n'ont rien eu de plus pressé que de massacrer les philosophes. S'il vous plaît. De massacrer les philosophes et de brûler les parchemins de l'Antiquité. Et alors parce que, alors, on ne saura jamais ce qui a été perdu à cette occasion, et quelle était vraiment l'histoire humaine. Là, il y a une hypothèque qui était énorme. Ah oui, mais peut-être que les martyrs sont venus aussi et qu'on a perdu quelque chose, hein, à savoir. Non, on ne peut pas discuter sur ce qui n'existe pas. Chacun imagine ce qu'il veut. Et voilà, donc il vaut mieux ne pas parler. On est sur la question, je ne pas. Il s'agit quand même de quand on parle d'imaginer et de conclusion scientifique. On peut imaginer ce qu'on veut. Mais oui, de même qu'à la fin. Disons, avec deux principes antagoniques, la concurrence d'un côté, l'entraide de l'autre, on s'en trouvera toujours. On trouvera toujours un moyen d'expliquer la phénomène. Comme ça, on s'en tire. Alors, en ce moment, comme on disait, on est en crise, mais c'est pas du mal. Ça permet de remettre en cause beaucoup de choses et d'examiner un peu les faits sous le jour nouveau. Vous voyez ? Alors, surtout, je pose une question. Pour justifier tel ou tel système politique ou social ou tout ce qu'on veut. Laissons un peu les priorités. Mais moi, je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait, en tout cas, à la fin, j'ai bien dit que moi, j'ai pas dit que c'était la gauche contre la droite. J'ai dit que c'était complémentaire. Donc, c'est ambigu comme situation. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai bien dit qu'il y avait la compétition et la coopération, parce que je me suis basé sur les études de Darwin. Je n'ai pas dit, d'ailleurs, Kropotkine ne dit pas non plus, pour ça il était anarchiste, qu'il fallait remplacer la compétition par la coopération. Lui, ce qu'il dit, c'est que les deux forces sont complémentaires et existent dans l'évolution. Et donc, pour cette histoire de gauche et de droite qui est un peu... je me sur la soupe, parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, vous avez gauche? Déjà, les notions, les concepts de droite et de gauche ont évolué en fonction du temps. Donc, on peut parler à fond là-dessus sans avoir des conclusions. Mais il n'en reste pas moins que moi je pense qu'il y a des données de base qui est un faux débat et que le problème principal c'est que la gauche s'est foutue dans une impasse avec cette histoire d'inné et de nature, etc. et que maintenant ils sont coincés. Mais c'est même pas la gauche, c'est la société, la culture dans laquelle on vit. Qui se trouve coincé, parce qu'on ne peut pas s'opposer à la nature et à l'animal dans les conditions actuelles. Donc, si on ne le comprend pas, tant pis. Sylvie. Moi, ce qui me paraît important, c'est qu'en fait, il y a une inflexion du philosophique, du social, du politique, dans la recherche et dans les sciences. Et ça, c'est un problème. C'est que les sciences, en Occident en tout cas, elles sont justement infléchies par cette philosophie qui est sous-jacente. Et pourquoi à chaque fois, quand on découvre quelque chose, quand on amène une théorie qui a l'avantage d'expliquer un certain nombre de phénomènes qu'on a observés, pourquoi faut-il à tout coup voir s'il y a là-dedans une morale, si on l'applique, si on l'applique pas. Ça me paraît assez désagréable. Voilà. Gilbert, je t'ai oublié. Oui, juste deux choses. Dans la coopération, dans l'entraide, tu en as peut-être parlé, je suis sorti un moment, donc c'est la coopération entre à l'intérieur des espèces et aussi entre les espèces. Oui, il l'a dit. Mmh. Bon, d'accord. Et donc, deuxième question, c'est toujours la fameuse chose qu'on a. Est-ce que c'est Darwin qui a lancé la pétition pour sauver Lisa Reclus ou est-ce que c'est pas sûr? Ça, il y a des... on ne sait pas exactement. Mais en fait, manifestement, Darwin est d'accord, mais il y a tout un débat là-dessus. Hein. C'est pas clos. Hein. Stéphane? Stéphane? Oui, ces questions que vous abordez, là, c'est sûr. Je comptais qu'il a signé la pétition. On sait qu'il a signé, mais on n'a plus les documents. Quoi. On ne sait pas où il dire, on sait qu'il était pour. Et qu'il a signé, mais c'est que on n'a pas la preuve. Quoi. Et il était dans les initiateurs. C'est ce qu'on. Élisée Reclus, c'était à l'époque un scientifique très connu. Hein. C'est sûr, c'était l'hyper géographe. Et donc, les gars, il est tous à la même époque, en fin de compte. Élisée Reclus, Darwin, Kropotkin, Henri Fabre, tous ces gens-là. Marx, évidemment, Engels, tout ça. Il faut dire le contexte, c'est après ses pétitions, après la Commune. Oui, parce qu'il était condamné à. Bien sûr, c'est pour être sauvé, donc la communauté scientifique de l'époque. Et ça il a été condamné à l'exil au lieu de la déportation. Et il s'est reculé, n'a pas été exilé. Déporté. Qu'en Belgique, je vois tout, du moins, la cité, la fondation de la cité. En Suisse, d'abord. En Suisse, oui, la fondation de l'université. Oui. Non, la pétition des scientifiques pour défendre la virus zéro reculé a abouti, et il est probable que Darwin l'a signé, puisque tout le monde est d'accord là-dessus, mais on n'a pas les traces, et en tout cas, ça a marché, puisque il s'est reculé, n'a pas été envoyé à Oban. Il y a d'autres questions? Ah oui, il avait une question peut-être. Une intervention. Je pense. La question, c'est le scientisme. Effectivement, comme un moment, on a une certaine distanciation pour rapport à la science, pour ne pas fonder une philosophie sociale. Qui est un germe, surtout à l'époque, notamment chez Marx, c'est d'autres, et l'enfermement dont tu parles de manière générale, logique, il est là, c'est comment mettre à distance. Et d'ailleurs, quand tu as évoqué la sociologie, c'est pareil, attention, c'est le droit. Effectivement, il y a une mise à distance de la science par rapport à ta philosophie sociale, même s'il y a des éléments qui viennent contribuer, à ta philosophie sociale. Et ça, c'est sûr que ce démarquage, il n'est pas évident. Parce que c'est toute la question, comment on fonde la vérité et son être au monde et sa supériorité, enfin, de sa philosophie sociale sur les autres. Ça se fonde comment? Alors, si c'était scientifique, la vérité unique, finie, etc., ce serait bien facile. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Mais le problème, c'est pour soi-même. Je veux dire. Parce que si, effectivement, comme disait le copain tout à l'heure, en profil, etc., après, ça ne sort plus. On retrouve d'ailleurs par rapport au racisme. Par rapport au racisme, où on a l'incapacité à le gérer, ça. Et notamment par rapport à la paléontologie. C'est-à-dire qu'on a une idée du racisme d'une manière uniciste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être raciste parce qu'on se reproduit tous ensemble. Mais le jour où ça commence à arriver, le jour où il y aura d'autres espèces de type humain, dans la même coexistence, mais qui sont de différentes, comment on s'en sort avec le racisme? Si le racisme, il est uniciste. Parce que le problème, c'est très facile d'avoir un racisme, un antiracisme uniciste en disant on est tous pareils. Bien sûr, on peut avoir un racisme, mais si effectivement il y a des espèces différentes, comme existait à l'époque, entre le Dantarien, Homo sapiens, etc., comment on fait pour jouer le racisme? Il faut accepter effectivement la différence. Et c'est plus un antiracisme uniciste, mais c'est fondée sur un antiracisme plus moustique. C'est pas, effectivement, apprendre la diversité. Oui. Et ça, c'est pas évident. Alors, d'une part. Parce que ça, on le voit scientifiquement. Il y a différents niveaux de scientificité. Oui. C'est-à-dire que quand vous prouvez une formule mathématique ou même physique, c'est très facile à vérifier. Quand vous allez discuter sur la politique ou la religion, allez prouver que vous avez raison. C'est impossible. Mais ça, c'est pas évident. Hein. Voilà, c'est la morale. Ceci dit, il ne reste pas moins que bien que différents niveaux. S'il vous plaît. Il y a quand même pas tout le monde une en évolution même temps. Incroyable actuelle des connaissances. C'est-à-dire que ce soit en éthologie, c'est-à-dire comportement animal, les racines biologiques de l'homme, ou que ce soit tu l'as soulevé d'ailleurs, en paléoanthropologie, c'est-à-dire les hommes primitifs, les hommes préhistoriques et tout ça, on fait des découvertes incroyables et qui posent des problèmes moraux. Parce que quand vous savez, par exemple, regardez actuellement les grands débats, alors, ils ne savent même plus quoi lire, les gars. D'abord, ils n'osent même plus parler de race. Pourquoi ? Parce que derrière race, il y a la hiérarchie. Mais si on parlait simplement de différence, bon, tout le monde s'en foutrait. Si on parlait de lézard, tout le monde s'en foutrait. Mais là, évidemment, il y a de tels présupposés qu'on n'arrive plus à parler. C'est ça le problème. Et d'autre part, il faut voir, actuellement, c'est incroyable. Vous avez le bouquin de Vercors, hein, les animaux dénaturés, qui pose le problème de gars, de voyageurs qui arrivent dans une vallée et puis ils trouvent un homme ou un singe, on ne sait plus, qui vit là, depuis qui est enfermé dans une vallée fermée. Et puis, il ne sait plus, est-ce que ce sont des animaux ou est-ce que ce sont des hommes? Et alors là, on arrive devant des problèmes. Alors, il dit, si ce sont des animaux, il faut les manger. Si ce sont des hommes, il faut les mettre au niveau. Donc, on arrive devant des problèmes qui sont vachement compliqués. Et alors là, c'est encore des problèmes en l'air, c'est des problèmes littéraires. Mais actuellement, vous avez l'histoire de l'homme de Néandertal. J'ai entendu parler de ça. Actuellement, il y a 0,4% de différence entre l'homme, nous, l'homo sapiens, et puis l'homme de Néandertal. 0,4%, et il y a 1,2% de différence entre l'homme et le chimpanzé. Donc, vous voyez, est-ce que c'est une sous-espèce? Est-ce que c'est un autre homme, une race d'homme? Est-ce que c'est... on ne sait plus. Et alors, actuellement, ils sont... Alors, tous les 6 mois, ça change. C'est-à-dire que d'abord, ils ont dit, attention, ça n'a rien à voir, c'est pas la même espèce. Après, pof, maintenant, ils arrivent à trouver, dans beaucoup de populations humaines, jusqu'à 4% de gènes de néandertaliens dans notre patrimoine. Donc, ils se sont croisés. Donc, la base de la classification, qu'est-ce qu'une espèce? Ça pose des problèmes de biologie de base. Qu'est-ce qu'une espèce? Puisqu'à présent, on considérait que c'est quand ils se croisent ensemble, ça va, c'est la même espèce. Quand déjà, ils se croisent ensemble. Oui, évoquez déjà ce problème d'espèce. C'est le truc de base. Or, en réalité, c'est, d'ailleurs, ce truc de l'interfécondité, le critère d'interfécondité, c'est en plus un truc qui est dépassé sur le plan de biologie, parce que vous avez des tas d'espèces qui se croisent et qui pourtant ne sont pas la même espèce. Par exemple, le tigre et le lion, ça se croise. Oui, mais la désanase ne se reproduit pas. Mais non, c'est non, le cas de la mule, c'est le cas du tigron, ils ne se reproduisent pas. C'est pas le cas de milliers d'espèces. Il y a des milliers d'espèces, vous avez des tas de canards par exemple, qui dans la nature jamais ne se croisent, vous les mettez ensemble en captivité, ils se croisent et leur descendance est fertile. Donc les critères d'interfécondité qu'on apprenait à l'école sont faux. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. On a mis les animaux dans des tiroirs et bon, on a des classifications qui sont logiques, mais dans la nature, c'est pas important. C'est-à-dire que si le tigre et le lion, ils ne sont pas sur le même continent, ce problème ne se pose pas. Donc on s'en fout de savoir s'ils sont interfécondés ou pas. Ils sont jamais ensemble. Donc en réalité, il y a une notion de pratique là, de réalité qui est logique de survie. Et voilà, et donc c'est autre chose. Donc actuellement, on s'aperçoit que c'est vachement plus compliqué que ce qu'on croyait. Et que par exemple, l'histoire de Néandertal, mais il n'y a pas que ça. Regardez les Néandertaliens, regardez la représentation de l'homme de Néandertal. Il y a 50 ans, vous voyez un énorme bonhomme là, qui était horrible, qui faisait peur, hein, qui était un vrai gorille. Et puis maintenant, c'est tout juste si on le reconnaîtrait dans le métro. En réalité, Maintenant, on s'est rendu compte que l'homme de Néandertal, probablement il parlait, parce qu'il a, le gène qui est trouvé chez l'homme et chez l'homme de Néandertal, donc de la barbe, entre guillemets, bien que ce soit pas aussi simple, mais en tout cas, c'est modifié. Et puis, on s'aperçoit qu'ils enterraient leurs morts, qu'ils avaient dans leur tombe des fleurs qu'ils mettaient sur les tombes, qu'ils gardaient, ils avaient même des handicapés, c'est-à-dire qu'ils ont gardé, on a trouvé des gars dans des grottes d'Internet qui étaient incapables de se déplacer, qui avaient des problèmes depuis longtemps, qui étaient incapables, qui étaient complètement bloqués, mais toute la journée, ils mâchaient des pots. Leur boulot, c'était ça. On les nourrissait, si je puis dire, mais je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ils servaient de mâcheurs de peau, ils tannaient les peaux. Quoi. Et donc, ces gars-là, ils n'étaient plus en état de chasser, ils auraient dû mourir, et ils n'étaient plus capables de se déplacer. Néanmoins, la solidarité du groupe, et là, c'est là qu'on arrive sur l'entraide, faisait que le gars handicapé était gardé vivant. Et c'était l'homme de Néandertal, c'est pas l'homme sapiens, ça. Et donc, vous vous rendez compte, actuellement, tout est en train de se discuter à tel point que toutes les bases, qu'est-ce que l'homme ? C'est la question qu'ont posé les Grecs d'Antiquité. On commence à peine à y voir un peu plus clair. Parce qu'en réalité, un homme, d'abord, depuis 3000 ans qu'il y a de la philosophie occidentale, on a toujours comparé avec des tribus, chasseurs-cueilleurs, etc., des primitifs entre guillemets. Et puis on le comparait pas avec l'animal. Comment on peut définir une espèce sans définir l'autre? Alors, Claude Lévi-Strauss a une formule que je trouve géniale, parce qu'en réalité, il y a pas mal de gens qui ont fait le lien entre les nazis et le concept d'humain. C'est-à-dire que les nazis, ils estimaient que tout ce qui n'était pas eux, c'était pas des hommes. Et donc, pas de problème pour les zigouiller. Évidemment, ça a posé des problèmes à Vercors dont je vous parlais, qui était vraiment embêté dans cette histoire, parce qu'il voyait bien qu'il y avait un problème entre l'animal et le nazi. Comment ça se résolvait, ce problème? Et puis, il y a Claude Lévi-Strauss qui a trouvé, à mon avis, la solution. Il dit, voilà, si vous mettez une frontière entre l'homme et l'animal, bon, ça paraît très simple, et toute la culture occidentale est basée là-dessus, et le monothéisme, etc., aussi bien la religion que Descartes, qui a appelé ça scientifique, mais en réalité c'était la religion camouflée. Et puis après, quand vous avez mis la barrière entre l'homme et l'animal, il y a un autre gars qui peut être nazi ou autre qui dit, ah, mais attention, là la barrière, je la déplace. Les homosexuels de l'autre côté, les noirs de l'autre côté, les juifs de l'autre côté. Et à partir de là, quand vous avez mis cette barrière, ben, vous pouvez tuer tous les autres, puisque vous êtes tranquille. Alors, s'il vous plaît. Vous trouvez que la différence, c'est difficile de distinguer. Moi, je trouve que c'est très simple. Si on a besoin de viande, l'être inconnu sera un animal. L'être inconnu, on ne sait pas si c'est un homme ou un animal. Si on a besoin de viande, ce sera un animal. Si on a besoin de travailler en niveau plus élevé, ce sera un animal. C'est pour ça qu'actuellement, dans la société française, vous avez une évolution dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, les Français étaient des ruraux. Enfin, oui, même les siècles, surtout. Alors là, c'était quasiment tous des ruraux. Bon, et maintenant, il n'y en a quasiment plus. Or, il y a un siècle, l'animal, on était obligé de le bouffer, parce qu'il fallait bien bouffer, et puis il fallait bien l'exploiter pour tirer les charrues, etc. Et donc, tout le monde trouvait que l'animal, taillant les corvéables à merci, il n'y a pas de problème, c'était des débiles, ceux qui pensaient que l'animal, il a une importance, et qu'il souffre, et qu'il pense. Et puis maintenant... Ça coïncide parfaitement. C'est à cette époque qu'on voyait l'homme de Néandertal comme le grosse brute. Oui, attendez, je termine la phrase, après je vous passe le relais. Et donc, actuellement, vous avez des gens qui vivent en ville. Ils n'ont pas besoin de se poser le problème. Et donc, d'un seul coup, ils se rendent compte que l'animal, que leur chien, il est très bien, et que dans la famille, c'est un membre de la famille. Et donc, vous avez une vision, une éthique animale qui change radicalement. Donc, en réalité, vous voyez que ça évolue énormément, et que ça dépend aussi du contexte. C'est-à-dire que pourquoi les monothéistes étaient si anti-animal? C'est pas parce qu'ils étaient méchants. Bon, de part, un dieu, ça bloque la vision d'ensemble, ça rend plus étroit, mais aussi, quand vous êtes, c'était des peuples de pasteurs. Ces gars-là, il fallait qu'ils tuent leurs animaux. Alors que quand... Et donc, ça, c'était normal qu'ils soient contre l'animal, parce qu'il fallait à faire... si vous élevez des animaux, c'est très dur de le tuer. Si vous le considérez comme un membre de la famille, vous n'arrivez plus à le tuer. Donc, ces gars-là ont mis en place un système où l'animal était complètement à part. Mais ce système, quand ils l'ont mis en place, mais maintenant, à force, les nazis, ils l'ont repli au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, ben voilà, l'homme, c'est plus l'ensemble de l'humanité, c'est nous, les Aryens. Et puis, tous ceux qui sont tordus, ou qui sont fous, ou qui sont fous, ou qui sont noirs, ou qui sont juifs, ou qui sont gitans, ou qui sont homosexuels, dans les Igouillons. Oui, mais attendez. Attendez, il y a une dame qui a... Oui, alors, attendez, deux choses. La représentation dont vous parliez de Néandertal et ce qui ont précédé ou même succédé, est-ce que c'était pas quand même en fonction de ce qu'on a trouvé, des squelettes, des... Ah non, non, c'était les mêmes. C'est la peau. Et même pire, hein, on s'est aperçu... C'est la peau. C'est la peau. C'est la peau. C'est-à-dire que les squelettes sont les mêmes. Mais la couverture pileuse, par exemple, on n'a pas de preuves. On avait les mêmes squelettes. Et on les mettait en relation du crâne, les crânes. Non, mais attends, il y a confusion. Le squelette de Néandertal, ce n'est pas le squelette de l'Homo sapiens. C'est pas le même, voilà. C'est là qu'il y a confusion dans le monde. Mais c'est pas le squelette de l'anthropologie du Romain, de tel siècle, etc. C'est le système. Oui. Par exemple, en Asie, il y a une truc génétique des populations chinoises qui est les dardes en forme de pelle. Enfin, d'accord, c'est rentre dans l'anthropologie physique, là. Mais enfin, il y a une particularité comme ça. Non, mais là, à la limite, c'est un détail un peu fin. Ah, c'est pas un détail, c'est la bouche, c'est la mastication, il y a tout ça qui est derrière. Les dents font de pelle, bon. Oui. Admettons, mais c'est pas l'ensemble du. C'est une partie, bon, la mandibule, après les dents. Oui, mais enfin, il y a la hauteur, il y a la gracilité des os qui sont plus ou moins graciles. Enfin, On a bien retrouvé. Oui, d'accord, je suis d'accord, C'est pas quelqu'un qui. Je prends un autre exemple qui est pas sur les animaux. Je vais prendre un exemple qui n'est pas sur les animaux. Je vais prendre un exemple qui n'est pas sur les animaux, mais sur les dinosaures. Enfin, toutes ces populations-là de dinosaures. Il y a des squelettes qui sont les mêmes, mais les types de représentation ont évolué. On est sur deux pattes, quatre pattes, etc. Des représentations depuis, quand on en a trouvé depuis le 19e, etc. Elles ont changé. Elles ont changé. J'ai pas dit dans le sens de la farce, c'était des scientifiques, j'ai pas dit qu'ils ont fait ça volontairement, je dis, il y a un système de représentation, le travail de recherche, ils pensent que ça va tenir comme ça. Et maintenant, depuis certaines années, il y a toute une réorganisation, je veux dire, des squelettes de dinosaures, pas tous, certains, où il y a une représentation différente. En tout cas, pour en revenir aux hommes de Néandertal, ils avaient les mêmes squelettes, et néanmoins, il y a 50 ans, on les présentait comme des normes brutes, alors qu'avec les mêmes squelettes, maintenant, on les présente, évidemment. Ils se redressaient par rapport aux. Et Néandertal, ils étaient. Parce que c'est le bassin, le redressement. Il y a la longueur aussi du fémur, il y a le. Je disais tout à l'heure, la longueur, c'est juste qu'on va se faire la longueur. Mais de la manière dont on continue, c'est ce qui est fini. Et vous savez, déjà je vous prends dans la foule qui est devant, je trouve déjà que le crâne allongé. Et c'est pas des hommes de la nette. Et je vous signale même qu'un truc qu'ils avaient oublié et que maintenant on a découvert, c'est qu'ils avaient un volume cervical plus grand que le nôtre. Il y avait 1500 cm3. sur l'évolution historique, c'est qu'on a l'animal à quatre pattes, le chimpanzé, l'homme, enfin l'homme, le demi-homme, le quart de, enfin l'homme, et on a une vision linéaire comme ça. Alors que la réalité historique, elle est beaucoup plus diversifiée. C'est-à-dire qu'au même moment, il y avait des individus qui vivaient, quelquefois dans le même espace, dans le même temps historique, mais qui étaient différents. Le seul qu'on connaisse actuellement, c'est le Constantin de Nagasaki. Mais avant, 2, 3 millions d'années par là, ça existait. Voilà. Donc, on va continuer, le local reste ouvert, on peut continuer les discussions autour d'un verre. Merci à CR d'être venu, merci à vous de votre attention et de votre participation au débat. Je vous rappelle quand même... Pierre a son page club. Le livre de Pierre est disponible. On a des livres de... Votre attention, s'il vous plaît. Plein de livres de Kropotkin aussi. Plein de livres de Kropotkin, mais pas le bon. Celui du jour s'appelle L'Entraide. Et vous le trouvez aux éditions du Sextant, qui est un très bon éditeur, qui est aussi un éditeur proche d'anniversaire. Voilà. Et vous le trouverez pas chez nous, mais dans toute bonne librairie. C'est paru en 2010 et c'est toujours disponible. À bientôt. Sur la bulle 9,